Bon Tom, c'est parti, un nouvel épisode des Loot Brothers, le podcast déterré, qui a été déterré, qui était loin sous terre, Tu qui était m'étonnes. enfoui très fortement sous la boue des différents trails qu'on a pu traverser entre le précédent épisode et aujourd'hui. Et pour dire que c'est tellement vieux, je parle de trail, à l'époque où ce genre de choses existaient encore. Je Les crois que dossards, je crois que t'es un ancien si t'as connu le trail en fait. Effectivement. Et du coup, on a eu le temps d'enfouir sous des tas d'autres expériences running. C'est dire, là, ça existait encore à cette époque, le précédent épisode. Et là, on le déterre. On le déterre, on fait l'épisode qui est l'épisode 2 ou 3. Je ne sais pas. Épisode, allez, on va dire le 3. Il y a eu le 0, On a il y qu'à a eu dire le le 3. 1, et allez, vas-y, c'est le 3. C'est le 3. Le 0 pour moi était tellement bien qu'il compte comme un épisode canonique des Loot Brothers. C'est clair. Allez, franchement, je pense qu'on invente un concept de régularité de podcast qui est le podcast à l'année. Hein. C'est un podcast par an. C'est pas mal. C'est Donc. presque comme les marathons. Un, deux par an maximum, hein, C'est pour ça. histoire de pas se brûler les ailes, tu vois. Donc on peut dire à nos poditeurs, bah tenez-vous prêts, un par an, c'est un podcast qui va durer à peu près 22 heures. Voilà, c'est Donc parti. allez, let's go. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en un an? Qu'est-ce qui Eh s'est bien, passé sur la franchement, planète? si tu me demandais ce qu'on s'est dit la dernière fois, je ne saurais te répondre. Du coup, je pense que ce qu'on peut aborder aujourd'hui, éventuellement, c'est plutôt ce qu'on a, comment on a occupé la cinquantaine de jours qu'on avait plutôt à la maison, plutôt propice a priori au gaming et aux gamers, on va dire. Ceux C'est qui vrai. avaient 8 milliards de jeux en retard, qui pouvaient en quelque sorte se réjouir, en tout cas un minimum, d'avoir beaucoup de temps à la maison et d'avoir le magnifique prétexte de pouvoir y rester pour le bien des autres. Du coup, le gaming devenait presque salutaire. C'est clair. Bah d'ailleurs, je crois même que ça a été. Je crois que c'est l'OMS qui en a parlé et qui a conseillé, enfin qui a mis le jeu vidéo en avant et qui a conseillé de jouer aux jeux vidéo pendant cette période de confinement. Vraiment, c'est vraiment le cas ou... C'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. C'est extraordinaire, j'avais pas vu passer cette information. Ouais, bah, je ressortirai le petit article et je le mettrai. On le mettra en lien de la vidéo, qui date du 30, 30 mars, qui est sobrement intitulé, je suis sur BFM Télé, je suis désolé, je suis pas trop adepte de ce site. L'OMS recommande de jouer aux jeux vidéo le temps de l'épidémie, avec une belle illustration d'Animal Crossing. Bon, j'ai pas tout vous lire, mais voilà. Mais c'est extra ça. Et du coup, l'OMS, je ne sais pas comment l'OMS considère le jeu vidéo. Ils font pas partie de ces gens qui estiment que c'est un dangereux phénomène qui déclenche des phénomènes d'addiction. Je crois que si, je crois que si, mais ta ta ta ta ta. Je suis en train d'essayer de lire en diagonale pour essayer. De produire de l'info en live. C'est ça. Ah ouais. Ça va être dur, hein, digérer un article et en faire une synthèse là en Non, live. Ah, ça va être chaud. ça va être compliqué. Je pense que le mieux, c'est de mettre le lien en description de la vidéo et chacun se fera son avis sur l'article. Mais Ouais, c'est pas une vidéo, mais ouais, t'es vraiment oui, trop enfin youtubeur, toi. un coup on entend que le jeu vidéo est la pandémie à abattre et l'autre on entend qu'il faut jouer aux jeux vidéo pendant une réelle pandémie. Voilà. C'est Pour le coup, combattre le mal par le mal. on peut dire ça. On peut Ouais. dire ça, mais c'est vrai que comme tu disais, c'est plutôt pas mal pour tous les gens qui ont accumulé dans leur bibliothèque numérique un certain nombre de jeux. Cette pandémie a été plutôt une aubaine pour eux, j'ai envie de Alors, dire. oui, mais ça m'amène à une question. Est-ce que toi, honnêtement, est-ce que tu te retrouves avec moins de jeux à faire qu'avant le confinement ou plus de jeux à faire qu'avant le confinement? La Sincèrement, je m'en question trouve. est pertinente, on est d'accord. Et en plus de ça, on pourrait croire que vu qu'il y a eu le confinement, j'ai pu jouer et finir l'intégralité, ou tout, ou en tout cas une bonne partie des jeux que j'avais mis de côté, bah, la réponse est non. Ok. Donc je me retrouve avec plus de jeux qu'avant le confinement, parce que le temps n'étant pas extensible, j'ai fait comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme tous les joueurs, j'ai pu jouer un petit peu. J'ai dû en finir deux ou trois, je pense. Mais ce qu'il y a, c'est que nos chers éditeurs ont trouvé, comment dire, de bonnes excuses pour nous sortir des soldes. Et donc, bah, j'ai craqué, j'ai acheté 2, 3, 4 jeux. Et puis au final, bah, je me retrouve avec plus de jeux achetés que de jeux finis. Donc, bah, tu Waouh. fais vite le calcul, quoi. Quel titre? Alors, ceux que j'ai achetés ou ceux que j'ai Ouais, achetés ceux sans que... les finir? Bah, je suppose que la quasi-totalité, tu les as achetés sans les finir. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté. Qu'est-ce qui t'a séduit? Qui c'est qui t'a pris ta thune? À qui t'as bien Alors, voulu la donner? je l'ai donné principalement, je l'ai donné à Monsieur Sony et à Monsieur Nintendo. D'accord. Voilà. Chez Avec Animal Sony, Crossing, bien évidemment, voilà, côté j'ai Nintendo. exactement. J'ai acheté Animal Crossing côté Nintendo. Donc celui-là, pour le finir, faut se lever de bonne heure, je pense. Donc Effectivement. celui-là, il est toujours en cours et il est bien, bien squatté par ma fille. Mais on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai beaucoup d'amour pour le titre, mais j'ai des gros coups de gueule aussi sur le titre. Ok, excellent. Donc, J'ai envie de savoir parce que je connais rien de rien. Donc, si tu voudras ouais. bien aussi m'expliquer ce que c'est que ça, parce que je suis l'un des derniers sur Terre à être passé à côté complet de savoir ne serait-ce que c'est que le gameplay de ce jeu, quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, Ou mais pas. je pense qu'il y a plusieurs. De toute façon, Nintendo parle à tout le monde dans ses titres, mais il y a certains titres qui ne parlent qu'à certaines catégories de joueurs. Moi, par exemple, j'ai jamais joué à Pokémon. D'accord. Je n'ai jamais mis les mains sur un jeu Pokémon. D'accord. Voilà. Donc après, Animal Crossing, c'était grosso modo la même chose. Et là, ils ont Là, réussi à me c'est... séduire avec le confinement. Je pensais que ça allait être un jeu qui allait plaire à ma fille. Donc je l'ai pris. Enfin bref, on en reviendra tout à l'heure. Donc Nintendo a pris un petit peu de mon pognon avec Animal Crossing. Et je me suis aussi acheté sur la Switch Agent A. Donc un bon petit point and click. Mais oui, et que tu m'as recommandé d'ailleurs, et que Que j'ai je t'ai presque recommandé. fini. Que tu as presque fini, sans déconner. Et sans déconner, Mort. j'ai presque fini, effectivement. Ah, ça me fait Parce qu'il les. était en promo, parce que tu m'as dit, Exact. il est à 2 euros, je crois, ou je sais plus C'est combien, ça, ouais, il une était vraiment somme pas d'argent cher. très faible. Et du coup, on s'est dit, autant s'acheter. C'est le prix d'une baguette, donc enfin, une baguette n'est pas à 2 euros, hein, c'est la boutade. Hein, ne Ouais. vous Ouais, c'est énervez ça. pas, là, les viewers, là, je sais que vous êtes là comme des chacals derrière votre clavier à mettre des commentaires de haters. On va avoir 8000 pouces bleus, pouces rouges, pardon. Non, c'est pas vrai, il y aura même pas 3 vues. Il n'y aura rien du tout. Du coup, autant délirer comme on veut, hein. C'est ça. Ouais, non, du coup, ouais, il était au prix d'un bout de pain, donc on s'est dit C'est let's ça. go. C'est, ouais. Donc oui, d'abord, il était cool, hein. Bah franchement, ouais, j'ai bien kiffé les comment dire Les énigmes. les énigmes, c'est ça, merci. Les énigmes sont pas tordues, sont bien comme il faut, sont un peu complexes parfois, mais pas tordues. T'es pas obligé de frotter un bout de pain contre une plante verte pour ouvrir une porte, quoi. C'est plutôt, c'est pas aussi tordu qu'un chevalier de Baphomet ou autre. Donc j'ai bien kiffé. Ça m'a fait passer, franchement, ça m'a fait passer du bon temps. Et en fait, je me suis limite cru dans un. Je perds mes mots ce soir. Je veux bien là, mais un mist. Non, Non, un non, non. escape game. Oui, exactement. Je me suis quasi Wow. cru dans un escape game. Bravo. Putain, on est connecté, c'est un truc de ouf. Je me suis presque cru dans un escape game sur certaines énigmes. Ça m'a Ouais, bien. je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai vu comme ça aussi. Et d'ailleurs, en Ouais. fait, je me dis que le point and click avec de l'énigme, ça ressemble quand même vachement à de l'escape game. Enfin, je pense que l'escape game, c'est un concept dans la réalité, mais qui en fait, enfin, tu reprends des jeux vidéo, tu regardes en arrière sur pas mal de titres, ça ressemblait déjà à des escape games vidéoludiques, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça s'appelait pas Mais comme là, ça. en fait, avec le côté. le côté énigme est un peu plus actuel. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool en fait. C'était Ouais. vraiment sympa. Belle petite expérience, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, Donc, donc il a pas trop pris ton argent non plus, celui-là, hein. non, mais un petit peu. Et je me suis aussi pris Planet Alpha sur Switch. D'accord. Ok. Donc, un petit platformer 2D plutôt sympathique. Je ne l'ai pas encore fini celui-ci. Et je me suis pris aussi, il était à 1 € et des brouettes, un jeu de quad à la con, édité par Microids. Donc, on sait très bien que la qualité va pas être au rendez-vous. Mais je me suis dit pour moins de 2 balles, allez, on va voir ce que ça Ouais, il donne. n'y a plus beaucoup de freins à 2 € le jeu, hein. Ouais, Ouais. franchement, quand ça coûte moitié moins cher qu'une pinte, ça passe. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais. Quand ça coûte moins cher qu'une Lagunista, Si ça coûte moins cher qu'une Lagunista, ça passe. Donc ça passe. ouais, donc voilà, donc Nintendo a pris mon argent, je crois que j'ai fait le tour là-dessus, et Sony a pris mon argent pour un certain Gran Turismo Sport. Oh, Ouais, ah oui, ouais. ah ouais, un Ah ouais, bah. sacré bon nombre d'heures là pour le coup. Ouais, donc je me suis dit, tiens, et si j'essayais de passer tous les permis en or, tant qu'à Voilà, faire. Donc excellent. là, je suis pas couché encore. Et pour le sacro-saint FF7 Remake. Ah bah, le fameux, celui Et qu'il là, fallait faire pendant ce confinement, et voilà. honte à moi Et que je n'ai pas fait. tu le feras bientôt. Nul Bien doute sûr. que tu le feras bientôt. Est-ce que avant de revenir sur FF7, est-ce que dans Gran Turismo, il y a toujours ce truc ultra tordu qu'il y avait sur PS3 là, où fallait laisser tourner la play pendant 24 heures pour faire certains trophées ou certains permis? Alors, certains permis, je ne crois pas. Certains trophées, peut-être. Je suis pas un complétiste des trophées. Tu le Ouais, sais très. je sais. Ça, tu le sais, voilà. Je vais pas platiner mes jeux parce que. Voilà. Ouais. Mais donc pour les trophées, je ne sais pas. Et pour les permis, non. Ça reste du basique. Ok, Ça il n'y a reste pas du ce genre de basique. truc de gros forceur énorme là où Non. tu devenais un no-life pendant 2 jours si tu voulais le trophée 24 heures du Mans ou je sais pas quoi. Non, non, non, non. Il y a des courses longues. Il y a des courses en mode ultra. Si je peux faire En encore parallèle avec la course à un pied. petit parallèle avec la course. Donc il y a des courses plutôt longues qui peuvent durer, je pense, quelques heures. Mais il n'y a pas non plus, il n'y a pas du vrai 24 heures du Mans. Ou en tout cas, s'il y en a, je ne l'ai pas encore vu. D'accord. Très bien. Donc Bah. voilà, où mon argent est parti pendant ce confinement vidéoludique. Bah, dans FF7 quand même. Et donc, Oh là là. FF7, tu as mis la bonne trentaine d'heures Oh oui. en faisant tu as fait toutes les quêtes annexes. Exactement, ouais, c'est le seul jeu de ma vie où je fais l'intégralité des quêtes annexes. C'est le Donc seul jeu de ta vie que tu as platiné. alors, je ne l'ai pas platiné parce que j'imagine qu'il faut le faire avec comment dire, une difficulté plus élevée, je pense, pour le platiner. Ok. Je l'ai fait, je ne sais plus, en facile ou en normal. D'accord. Je voulais vraiment profiter de l'histoire. Ouais. Mais j'ai fait tout le solo, j'ai fait toutes les quêtes annexes. J'imagine qu'il y a encore plein de trucs que j'ai pas vu parce qu'il y a les quêtes annexes, entre guillemets, officielles. Et après tu peux encore essayer de gratter un petit peu des trucs à droite à gauche. Il y a des arènes qui sont ouvertes, il y a des jeux, il y a des voilà, il y a plein de mini-jeux comme le FF7 d'origine. Donc j'ai Oui, les pas squats et compagnie, ouais. Les ouais squats dans voilà. le ring de boxe chez Don Corleo. Exactement. Bah, tu vois, voilà, tu peux ne pas le faire. Voilà, tu as tout vu. Donc ouais, non, j'ai fait ouais, toutes les quêtes annexes, j'ai fait l'histoire principale et putain, c'est une claque ce jeu. Ouais, C'est c'est ce que tu me disais en off, que ah depuis le sacro-saint ouais. Breath of the Wild. C'est ça. Bah, j'ai pas tous les jeux que j'ai fait depuis, même si je les ai kiffés, hein, que ce soit je sais pas, j'ai dernièrement. Ah oui, j'ai fait aussi Céleste. Je l'ai pas dit au tout début du confinement, j'ai fait Céleste aussi, que j'ai kiffé. Toi, tous ces jeux-là, j'ai beau les avoir kiffés, je crois que la dernière fois que j'ai pris mon pied sur un jeu vidéo, C'était Breath of the Wild. Et là, FF7 m'a mis une claque aller-retour. Je m'y attendais pas, quoi. Je l'attendais, le jeu, je l'attendais depuis plus de 20 ans parce qu'il est pour moi intouchable. Enfin, l'original. Mais là, celui-ci, la mise en scène, les musiques, l'histoire, enfin tout, c'est hallucinant. Franchement, ils ont fait du gros, gros, gros, gros, gros boulot. C'est énorme. Bah, j'ai hâte de voir ça à mon tour. Faudrait juste que. En fait, j'ai pas trouvé. Je cherchais un tarif un peu intéressant. Mais comme je m'y suis pris trop tard, j'ai pas trouvé. Et je suis un peu vacciné de payer les jeux à 65 euros maintenant. Parce que ça m'est pas arrivé depuis des lustres. Enfin, je sais même pas si ça m'est déjà arrivé. Du coup, quand je le voyais à 65 euros, je me disais. Ouais, vu le marché du jeu vidéo ces derniers temps, t'attends 6 mois, le machin il coûte 22,50 €. Bon. C'est ça, c'est ça. Non, mais Voilà. je comprends. Franchement, payer 60 boules un jeu maintenant, faut être un peu. Aller sur le PSN et acheter plein pot, faut être un peu, je sais pas. C'est ça. J'ai toujours pas compris, moi, le concept là de cette histoire. Le PSN, ça n'a d'utilité de rentrer dessus que lorsqu'il y a des soldes de barbares. C'est ça. Sinon, enfin, sinon, je ne comprends pas le principe. Franchement, enfin, bref. Ouais, donc ouais, magnifique jeu de confinement que ce FF7, ouais. Ah ouais, Que c'était. tu avais reçu avant la date officielle, grâce au confinement. Exactement, mais bon, enfin, avant la date officielle, un jour. Ouais, Voilà. certains Il y l'ont en eu a. largement plus tôt que ça, Oui. qui est historique comme avance, puisque voilà, Ils l'ont. l'éditeur a voulu se prémunir. Ouais. C'est ça, ils l'ont sorti de manière quasi officielle, quasiment une semaine avant, je crois. Étonnavé qu'il l'avait largement avant. Ouais. Ouais, c'était. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'avais d'autres trucs à faire entre-temps et tout ça, donc c'est pas bien grave. Mais en tout cas, ouais, le jeu était. Je sais pas si ça a spoilé. Enfin, au-delà de ton expérience à toi, tu crois que ça a spoilé ou pas sur le net? Je sais pas si les gens ont respecté, comme le demandait l'éditeur, ou si Non. au contraire c'est parti en live. Non, non, ils ont Comme avec clairement Last of pas. Us 2 là. Ouais, non, non, mais alors ça, j'ai pas vu. Ça, je me suis prémuni de tout ça. Mais non, il n'y a pas. Les gens n'ont même pas respecté de petits NDA ou quoi que ce soit, même s'ils n'avaient rien signé. Mais les gens, ils s'en battent les couilles. Ouais, on est Moi, d'accord. C'est si tu peux faire un playthrough sur YouTube et être le premier à le mettre alors que le jeu n'est pas sorti, bah tu vas pas t'en priver quoi pour faire les vues. Mais carrément, moi, le jour où je l'ai reçu, je sais plus pourquoi je me trimballais sur YouTube, il y avait carrément le mec, enfin, il avait fait carrément un let's play de l'intégralité du jeu, et tout était sur YouTube. Et moi, je venais Sympa. juste de le recevoir. Ouais, bah avant même, je pense, la date de sortie officielle, tu devais avoir des gens qui te l'avaient platiné 10 fois, quoi. Mais oui, mais surtout qu'en plus, enfin, le jeu n'est pas long, même si bah, Une trentaine d'heures, c'est pas Je Resident spoile Evil pas. 3, quoi. Non. Je pense qu'on y reviendra dans quelques minutes. Mais clairement, le jeu, c'est Midgar. Je spoile pas. Tout le monde le sait. Non, tout le monde le sait. La première partie de. Enfin, le FF7 Remake, c'est Midgar. Midgar qui durait dans l'original, on va dire 5-6 heures. Allez, 6 heures si vraiment tu essayais de fouiller un peu partout. Là, tu le fais en 30 heures. Mais même 30 heures pour un JRPG. C'est vraiment pas grand chose quoi, donc et encore 30 heures parce que j'ai fait l'intégralité des quêtes annexes. Tu le fais en ligne droite, le jeu, tu le boucles en moins de 20 heures quoi. Franchement, Donc faire c'est ça en ligne droite, c'est une insulte. une insulte, c'est une insulte pour nous qui avons connu FF7 de base. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui le feront en ligne droite et qui diront, mais c'est pourri, enfin. Clairement, on peut pas plaire à tout le monde, mais Tristesse. qu'est-ce que tu veux? Bon, et parlons de toi un petit peu. Hein? Qu'est-ce que t'as tâté pendant ces petits 2 mois de confinement? Ben, déjà pour enfin, te donner quelques titres et donner un peu mon orientation, moi je me retrouve clairement avec plus de jeux qu'avant le confinement, Ok. mais cependant, c'est pas forcément plus de jeux à faire. C'est-à-dire que c'est des jeux que j'ai pris où je sais très bien que c'est dans un coin pour éventuellement plus tard si jamais un jour ça me botte. Mais je les ai pas pris en me disant je vais y jouer, tu vois. Donc c'est pas Ok. comme si j'avais chargé ma to-do list de jeux. Non, j'ai juste plus de jeux qu'avant, beaucoup plus. Mais c'est quasi exclusivement du gratos parce que je suis sur D-Labs régulièrement, hein, le fameux site qui te fait acquérir des jeux gratos dans tes bibliothèques numériques que tu n'installeras pas. Et ben moi, je tombe en plein dedans. Alors là, c'est bingo. Et D'ailleurs, en plus, pendant on le... peut dire que les éditeurs ont été plutôt généreux. Ah bah oui, alors il y avait du gratos dans tous les sens. Pour ceux que, bon, ça sert peut-être à rien de trigger des gens qui écouteront éventuellement ce podcast un jour en leur disant ce qui était gratuit et qui ne l'est plus. Bon. Mais il y a eu des trucs bien cool. Il y a eu des trucs bien cool chez Ubisoft, il y a eu des trucs sur les stores respectifs, il y a eu des énormes soldes. Ubisoft a été plutôt cool, hein. De mémoire, je crois qu'ils ont Ouais. offert quoi? Assassin's Creed 2, Exactement. Child of Light et Rayman Legends, si je dis pas de conneries. Exact, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est bien, bien vu, c'est exactement ça. Après, là-dedans, tu as eu des énormes soldes chez PlayStation. Il y a eu des jeux gratos, notamment le Nathan Drake Collection, là, de l'Uncharted, qui a été mis gratos Ouais. quelques jours, et un autre truc. Et Après, il y a Journey. Epic Game Store qui. Et Journey, merci. Epic Game Store qui sort des trucs à longueur de temps gratos. Ah mais eux, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Quand ils ont débarqué, je me souviens, quand ils ont débarqué en frontal sur Steam, enfin, personne n'y croyait. Et là, ils se font leur trou et en plus de ça, ils offrent des jeux, mais à tire-larigot. J'ai l'impression que tous les mois, il y a au minimum 4 ou 5 jeux, quoi. C'est Mais hallucinant. oui, mais oui. Et d'ailleurs, là par exemple, moi j'ai mon Epic Game Store sous les yeux. J'ai pas fait un seul achat Ouais. et j'ai pas donné un rond à Epic Games. J'ai combien là? 12, 12, 24, 27 jeux, dont certains titres que je vais citer qui vont parler à certains. Alan Wake, bon, c'est pas tout récent. World War Z, beaucoup plus récent et totalement gratos. Céleste, c'était gratos. Crashlands, Amnesia, Dark Descent, qui a été récemment tout gratos. Qui était récemment mis gratos, ouais. For Honor, Hob, Just Cause 4, j'étais surpris, gratos, plutôt récent, hein. Enfin, pas si Just vieux, on va Cause dire. 4, mais non, mais pas si vieux. Je me souviens que la dernière fois, j'ai bouffé chez des amis et mon pote était tout fier de me sortir son Just Cause 4 édition collector à 70 ou 80 boules. Enfin, c'est le genre de jeu, j'y ai joué 5 minutes sur le Xbox Game Pass. Enfin, c'est des trucs, il a 18 mois le jeu. Ouais, Un jeu. il est pas bien vieux, il était totalement à l'œil. Donc ouais, C'est voilà, dingue. c'est Epic Games, ils font bouger les lignes, ça c'est clair. Du coup là aussi j'ai plus de jeux qu'avant, alors que j'ai rien acheté. Sur Steam j'ai fait beaucoup d'achats moins chers que des Lagunistas, mais du coup à force ça accumule, hein, j'en ai fait pas mal. Bref, tout ça c'était juste en intro à dire que je me retrouve avec beaucoup plus de titres qu'avant. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de ce confinement? Moi, ma grosse, grosse, grosse découverte de ce confinement, c'est la réalité virtuelle. C'est parce que j'ai eu l'idée, franchement, par un heureux hasard, avant le confinement, d'aller chez des amis chez qui j'ai découvert, enfin, j'ai pas découvert parce que je savais que ça existait, mais j'ai pour la première fois mis ma tête dans un casque et pris des manettes, et pour la première fois joué à Beat Saber chez eux. Beat Saber, qui est un jeu de VR que vous connaissez certainement. Si vous connaissez pas le concept, c'est que les deux manettes de VR se trouvent être des sabres laser à l'intérieur du casque. Et c'est un jeu musical dans lequel on fait des courtes sessions. Donc c'est des morceaux de musique de quelques minutes. Et pendant ces morceaux de musique, il y a des cubes colorés de deux couleurs, une par main, qui avancent très vite vers soi sur le rythme de la musique et qu'il faut découper avec les sabres. Donc ça peut faire penser à du Dance Dance Revolution, pour ceux qui connaissent. Où il s'agissait de taper en rythme sur des touches du clavier, des flèches directionnelles de manière rythmée, hein, taper sur le rythme de la musique. Et donc, plus les BPM étaient élevés, plus il fallait taper comme un gueudin et être un expert malade sur son clavier. Bah, Beat Saber, c'est le même principe, mais appliqué à la VR. Donc, on découpe des cubes colorés en musique. Et donc, dit comme ça peut ne pas chauffer, mais quand on est dedans, bah, franchement, moi j'avais bien kiffé. Je m'étais dit, bah, franchement, go, hein, j'ai envie de faire ça, j'ai envie Ah, ça a d'avoir ça l'air chez moi. gueudin. Ça a l'air gueudin cette expérience. Ça me fait un peu penser à Rez. Je sais pas si tu te souviens de Non, Rez je me sur souviens pas de Rez. Dreamcast. Ah non, Ouais, ça je non. c'était pas, enfin c'était pareil. C'était un jeu musical avec techno slash électro à fond, et tu rentrais vraiment dans la zone, quoi. Et voilà, c'est j'ai l'impression que Beat Saber, c'est exactement ça, quoi. C'est le jeu qui peut te faire rentrer dans la zone. Ah ouais, bah c'est le cas, ouais. C'est le cas. Franchement, c'est assez fou de voir que tu débarques dans ce jeu, enfin, tu sais rien faire, hein, les niveaux en normal, parce qu'il y a des niveaux de difficulté, évidemment, sur des mêmes morceaux de musique, il y a des niveaux de difficulté. Donc il y a plus ou moins de cubes et ils avancent plus ou moins vite. Et ouais, je commençais en normal et je voyais des gens jouer en expert. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce sont des robots. Et au final, après quelques heures, voire dizaines d'heures de jeu, on se retrouve à pouvoir faire ça aussi, des niveaux experts. Et c'est parce que le cerveau, il s'est incroyablement adapté. Et c'est assez addictif, la progression, en fait, la courbe de progression sur ce jeu. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'à chaque partie, presque, le cerveau enregistre davantage, sans même faire trop d'efforts. Vraiment, il intègre à force de répéter les mouvements et les patterns. Et du coup, ça donne vraiment une satisfaction de se dire, tiens, je suis en train de découper des cubes comme une machine en musique. Il y a une sorte de trance dans la zone, comme tu dis. Ah ouais, Donc c'est. j'ai vraiment hâte que la fin du confinement soit sonnée et que je puisse tester ça. Ouais, bah moi j'ai hâte que tu testes aussi. Donc ça, c'est. Pour y revenir, du coup, ouais, j'ai pu acquérir la VR quelques jours avant le début du confinement. Alors même que ça allait complètement foirer parce que j'avais commandé ça chez le boulanger et qui m'avait complètement carotte sur la livraison qui devait se faire rapidement et qui au final a mis je sais pas combien de jours en plus. Mais bon, Ouais, au final ils ont dû avoir leur stock de renfloué et puis ils se sont retrouvés à me le livrer très peu de jours avant le confinement. Donc c'était une aubaine. Et donc j'ai testé ça, Beat Saber évidemment. J'avais acheté aussi ce casque dans le but de faire Resident Evil 7, parce que moi j'aime beaucoup la saga Resident Evil. ça Mais sent le fail, cette histoire. ça sent le fail, hein, ça sent l'énorme fail. C'était sans savoir que RE7 VR, c'est uniquement sur le PlayStation VR, évidemment, hein, parce que sur PC on s'en branle. Sur PC, ça ne marche pas, hein, ça n'est pas en VR, Resident Evil, c'est pas fait pour. Donc tu l'as dans le cul. Pourtant, le jeu, très clairement, hein, moi, la première fois que j'ai joué à RE7, c'était sur PC. Et il y a très clairement ce jeu est foutu pour la VR, il est codé Bah pour la VR. complètement, Tu bah appuies oui, sur bah la barre oui. d'espace, le mec, il prend ses deux mains, il les met devant sa tronche, c'est exactement fait pour de la VR, en fait. Bah oui. Bref. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, c'est génial, je vais faire RE7. Et puis un soir, là, c'était la désillusion. Et je me suis dit, bon, bah, on va se contenter de Beat Saber et du catalogue de jeux que je connais pas encore qui sont propres à la VR. Et bah, du coup, j'en ai découvert quelques autres. Donc, Ah, là j'ai hâte d'entendre. ouais, bah écoute, notamment, bah, j'ai découvert un qui n'est pas spécialement pas si connu que ça, mais moi j'ai beaucoup accroché. Ça s'appelle Box VR. Et comme son nom l'indique, il s'agit de faire de la boxe en musique sur des sessions de taille très variable. C'est toujours des morceaux de musique, mais comme c'est un jeu plus axé fitness que Beat Saber, qui est vraiment plus axé ludique musical, là c'est musique, mais musique fitness. Il s'agit de taper des boules en rythme, en fait. On tape en faisant des hooks, des crochets, des directs, des uppercuts, des esquives et ce genre de choses. Enfin, des mouvements de boxe, en fait, tout simplement, en rythme. Et les sessions peuvent durer très longtemps parce que les morceaux de musique, qui peuvent durer entre 1 et 4 minutes, vont s'enchaîner les uns derrière les autres à des difficultés variables. Donc c'est un jeu de boxe où il ne s'agit pas de frapper c'est pas une simulation de boxe dans le sens où il n'y a pas d'adversaire. En revanche, il s'agit d'effectuer des mouvements de boxe et c'est un peu une application de fitness. Peut-être Ah, plus une ce que ça veut application dire, ouais. fitness C'est de la boxe que fitness, en fait. c'est de la boxe fitness, plus que de la boxe réelle du coup. Là, c'est clairement ça. Donc ça, je vois que le jeu a pas un succès incroyable, mais moi j'ai kiffé. Et j'y kiffe et j'y joue régulièrement. J'aime bien. C'est beaucoup moins compliqué à apprendre. Enfin, le cerveau, il met beaucoup moins de temps à s'adapter au pattern qu'un Beat Saber. Un Beat Saber, je pense que jamais ton cerveau. Tu peux tellement monter la difficulté que jamais ton cerveau, il sera 100%. Il masterisera 100% le truc. Toujours, tu pourras te mettre dans le rouge si tu veux. Alors que Box VR, à un moment donné, tu masterises le truc. Tu peux plus Ah. monter la difficulté et ton cerveau, moi mon cerveau, il finit par connaître par cœur et parfois quand je me mets dedans, bah en fait, je me mets dedans, pareil, je rentre dans une sorte d'état où mon cerveau, il sait exactement comment diriger mes bras et je suis là-dedans parce que j'aime le moment, j'aime la musique, je pense à autre chose et mes bras, ils bougent tout seuls, quoi. Ok, J'apprécie. Et j'ai une question de néophyte. Ben j'ai deux questions de néophyte. Est-ce que donc tu crées tes sessions toi-même? Donc tu dis, ok, donc je vais me faire 5, 10, 15, 20, 30 minutes de fitness. Et donc tu crées ta playlist en fonction pour éviter d'avoir à toucher tes trucs. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, est-ce que tu peux ajouter, est-ce que tu peux créer ta propre playlist de chansons? Est-ce que tu peux mettre tes chansons? Est-ce que une espèce de programme, d'algorithme qui se cale sur le rythme des musiques que tu peux mettre? Bah, deux excellentes questions. Alors déjà la première, non, dans le sens où c'est pas, c'est anecdotique dans le jeu que tu puisses créer tes propres morceaux, enfin tes propres sessions à partir de morceaux existants dans le jeu. C'est-à-dire que dans le jeu il y a ce qu'on appelle des classes et les classes sont soi-disant créées par des pseudo-coachs. Je sais pas si c'est des gens qui existent ou s'ils sont complètement fake. Je sais pas, mais en tout cas enfin, c'est soi-disant des vraies personnes qui font des classes. Et les classes, ce sont en fait des enchaînements de morceaux prédéfinis. Et il y en a un certain nombre. Il me semble que par défaut, il y en a 30 ou un truc comme ça. Ou peut-être, ouais, peu importe le nombre. Mais c'est des classes prédéfinies. Si tu choisis une classe faite par tel coach, eh bien, tu auras cet enchaînement de musique bien précis, toujours le même. Et d'ailleurs, c'est avec ça qu'il y a un classement ensuite en ligne worldwide où tu peux te mesurer aux autres. Parce que c'est normé, en gros. Après, il existe un mode où tu crées ton propre workout à partir des musiques du jeu. Donc ça, tu peux aussi faire ça, sauf qu'évidemment, il n'y a pas de classement. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a même pas de classement avec toi-même. Ah merde, ouais. Ça, c'est vraiment pourri. Il y a d'ailleurs pas mal de défauts dans le jeu, mais vu que le but n'est pas forcément de s'éterniser sur ce jeu, je ne vais pas en parler beaucoup plus que ça. Mais comme tu dis également dans ton deuxième point, il y a aussi dans le jeu la possibilité de mettre ses propres morceaux. Et ça, c'est Ça, c'est pas mortel mal, parce ça. qu'il y a une intelligence artificielle qui est censée, et le est censé est important, te permettre de scanner un morceau à toi, par exemple, Eye of the Tiger, hein, le fameux, celui sur lequel la planète entière a envie de boxer, tu vois là, pour pouvoir derrière boxer là-dessus et se prendre pour Rocky Balboa, et ben tu vois, sur le papier, c'est absolument génial, sauf que ça ne marche pas. Ah merde, putain. Ça ne marche absolument pas, c'est extraordinaire. En fait, tu sélectionnes tes morceaux, donc le jeu te permet d'aller chercher sur ton disque des morceaux en WAV ou MP3, ce que tu t'exécutes, hein, tu le fais. Et ensuite, il processe ton morceau, sauf que ça dure toute la vie. Le processing, il n'y a pas de barre de progression, c'est juste un bouton processing et tu peux l'attendre toute ta journée, il Oh ne finira pas. putain. Donc c'est un bug, il est connu, je suis allé voir un peu sur les communautés, etc. C'est un bug connu, il n'est pas corrigé, donc c'est assez scandaleux, quoi. Ouais, C'est toute une feature du jeu qui est un fail. Mais bon. donc en fait, ils te font croire que tu peux importer tes chansons alors que tu ne peux pas. Alors apparemment ça a marché dans le passé. Il y a des mises à jour qui ont fait fail le truc, et apparemment aussi ça marche dans certains pays. Parce que le bug est causé. Parce que c'est un jeu PC, hein, exclusivement PC pour le coup, je crois. Et puis c'est peut-être pas vrai d'ailleurs. Bon, bref, la version PC souffre d'un bug qui est que elle se sert de la manière dont Windows va écrire les dates, les heures, et enfin toute cette notion de temporisation en fait que le jeu va utiliser pour, je sais pas exactement, pour analyser les musiques que tu vas lui proposer. Et apparemment, il se sert d'un caractère de séparation qui est un caractère qui n'est pas utilisé en France notamment. Genre, c'est pas naturel pour nous. Tu vois, les heures, un séparateur avec une virgule là où nous, on utilise un point. Enfin bref, tu sais, il y a ce Ouais, genre je vois de... là. Il y a un séparateur qui est codé en dur et qui, du coup, sur les installs françaises ou sur les Windows français, fait planter le machin. Donc c'est un bug connu. C'est très anecdotique ce que je raconte là, mais ceux qui sont un peu qui ont envie de savoir un peu quelle peut être l'origine d'un bug sur un jeu vidéo, bah là, il y en a un, voilà, c'est une origine d'un bug. Il y en a un là, il est connu, et l'éditeur, c'est un énorme fail parce que malgré les communautés qui discutent sur Steam, l'éditeur ne corrige pas et a sorti des DLC pendant le confinement payant. Et Non. l'éditeur est absolument tellement foireux que personnellement, c'est sorti le 23 avril, les deux DLC. Et le 23 avril, comme l'éditeur me semble tellement paumé, ils ont sorti les deux DLC qui sont payants. Ils les ont sortis probablement sans faire exprès, gratos. Du coup, moi, je les ai immédiatement download. Je les ai fait en entier, mais le jeu me les a repris ensuite dans une mise à jour. Il s'est aperçu que je les avais pas payés. Du coup, il s'est dit, ah, merde, on les a mis gratos. Je suppose que les mecs se sont dit, merde, on les a mis gratos. Ou alors, c'était une offre de lancement, mais en tout cas, elle n'était pas annoncée comme telle. Ok. Comme, Ben bref, c'était, je les sens paumés, Ils les sont gars trop qui. forts. Fit VR, je crois que ça s'appelle la société qui édite. Et Bref. ça t'apportait quoi ces deux DLC? Juste histoire de C'est finir des classes sur le supplémentaires. sujet. C'est des classes Ok. supplémentaires qui valent pas du tout leur prix. Le jeu vaut 30 € tout mouillé. Je l'avais dû le toucher à 25, je crois, une petite promo. Le DLC, les deux DLC, tu as 4 classes par DLC, ils sont à 8,50 pièces. Je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Surtout que je les ai fait en entier, je trouve vraiment ça très cher. Enfin, D'accord, ouais. mais bon, c'est les fans de ce jeu, et je peux considérer que j'en suis parce que j'en suis un, j'ai passé beaucoup d'heures dessus, peuvent quand même se dire, allez, j'ai passé tellement d'heures que je veux bien filer 8 balles au dev si je suis pas trop vénère du fait qu'ils corrigent pas le fameux bug des zik importés. Ok. Voilà, bon, on a parlé un peu longtemps de Box VR, du coup je vais passer Non, un mais peu bah plus. Ouais, c'est c'était important. un. Moi, c'est un jeu qui m'a plu. Ouais, qui Voilà, plaît. Il faut aimer si le faut jeu aimer le t'a fait fitness. kiffer. Ouais, c'est ça. Il est simple. Il n'y a pas 36 000 concepts. Enfin, le concept est simple, tu le masterises. Et je trouve que ça fait du bien aussi. Moi, ça m'a fait du bien, et je vais en parler sur d'autres jeux que j'ai fait pendant ce confinement, de me dire, en fait, c'est le jeu, il te demande de l'effort pour le prendre en main, mais pas tant que ça. Ça vient un peu tout seul. T'as pas l'impression de devoir lutter pour pouvoir maîtriser. Et puis t'as l'impression de devenir bon rapidement, ce qui fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Et Mais c'est ce d'ailleurs, qui fait je. Ouais. qu'un jeu vidéo est appréciable. Si le jeu vidéo il te fout dans le dur dès le début, sauf si tu es un peu maso, mais tu le lâches rapidement. Par contre, un jeu vidéo que tu prends en main rapidement et qui te récompense en te faisant croire que tu es bon au fur et à mesure du jeu. Et tu deviens bon vraiment au fur et à mesure du jeu. C'est ce genre de jeu qui te fait kiffer. Tu regardes par exemple, je sais pas, un Breath of the Wild où tu le prends en main, il est simple au début et à la fin, sans que The tu t'en rendes Technique. compte, tu sors des flèches à tout va, tu surfes sur ton bouclier sans même t'en rendre compte et tout ça. Et tu le prends en main. Enfin voilà quoi, je sais pas comment dire, mais voilà, tu Ouais, je le. vois, il t'a emmené vers une progression sans douleur. T'as pas eu la frustration de te dire, putain, il y a vraiment un gap énorme, il faut que je passe par des phases qui ne sont pas des phases plaisir pour pouvoir progresser dans ce jeu. Ça, enfin, il y en a des jeux comme ça, hein, où faut lutter, quoi. Faut vraiment lutter pour accrocher, quoi. Ah ben moi il y en a plein. Moi tu mets par exemple un Dark Soul entre les mains, je suis Oui. incapable de prendre mon pied là-dessus. Mais Ouais, bien sûr. vraiment incapable. Enfin, et j'en ai enfin, des exemples comme ça, j'en ai par dizaines quoi. Mais ça, tu vois, déjà oui, il y en a par dizaine. Et par exemple, toujours dans la VR, il y a un jeu qui est assez incontournable en VR qui s'appelle Pistol Whip, que j'ai pris aussi du coup pour l'expérience, qui, je trouve, est très différent de Beat Saber ou même de Box VR sur une chose, c'est que quand tu démarres dans ce jeu, Pistol Whip, c'est un simulateur, en fait c'est comme un rail shooter, donc en fait tu démarres un niveau qui est pareil, une musique. Donc entre 2 et 5 minutes. Et sur cette musique vont apparaître dans un monde complètement fait de fils de fer, hein, en gros, des bonhommes qui vont te tirer dessus. Et tu. Enfin, fait de fils de fer. C'est pas du fil de fer. C'est un monde un peu. C'est un monde rétro-futuriste volontairement polygonal. Alors, c'est la meilleure chose que je puisse dire pour le décrire sans mettre d'image, je crois. C'est volontairement pas lisse. Voilà. C'est volontairement de. Enfin, le style graphique, c'est du. Voilà, tu sens que c'est. Tu prends un jeu du début de la play, quoi. Voilà. Sauf que là, c'est volontaire. Et donc, c'est un rail shooter. Donc, tu avances tout seul, tout droit. Il y a des bonhommes qui pop à droite, à gauche. Et toi, t'as un flingue. Et tu shootes ces bonhommes-là qui te passent devant. Un peu à la manière d'un Duck Hunt, si on revient 40 ans en arrière. Ou plutôt 30. Ouais, plutôt 30, ouais, c'était Ouais, tellement plutôt énorme. 30. Ouais. Tu shootais des petits canards, bah là tu shoots des bonhommes sur une musique qui sont, faut dire, la bande originale, l'OST, elle est hyper stylée. Et du coup, bon, c'est très bien. Et pourquoi j'explique Pistol Whip? Déjà parce que c'est un incontournable dans le monde de la VR, de ce que j'ai compris. Donc je l'ai pris pour la science. Mais aussi parce qu'il y a un contraste avec ces jeux dont on vient de parler, qui nous amènent vers une difficulté plus progressive sans nous punir. Bah, en fait, Pistol Whip. Il te punit pas dans le sens où tu peux démarrer en facile. Si tu démarres en facile, tu vas y arriver à faire le niveau, donc tu vas arriver au bout du niveau. Ensuite, tu pourras progresser un peu, aller en normal et réussir le normal. Mais Mais là où il te punit, c'est qu'à la fin de ton niveau, le temps que tu aies autre chose qu'un rang D, c'est compliqué. Parce que bah, tu vois, il te classe, t'es, en fonction de comment tu as mis Ouais. des points, il te met du D, C, B, A, évidemment. Je sais pas, il y a peut-être S, mais je suis pas au courant. Et du coup, il te punit, quoi. Enfin, il faut passer quand même un certain nombre d'heures pour commencer à avoir autre chose qu'un C, quoi. Et moi, Waouh. je trouve que c'est compliqué. Parce que tu te sens nul. Et quand tu te sens nul, soit ça dépend du profil de joueur et de la personnalité. Soit tu as la niaque et tu dis, tu vas voir, moi je vais te défoncer, je vais faire des S, je m'en fous si j'y passe 20 heures. Ou soit au contraire, tu te dis, franchement, j'ai pas kiffé, enfin si t'as pas kiffé le concept, t'as pas forcément envie de lutter pour un jeu qui en plus te dit que t'es une merde. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et qu'est-ce que ce jeu peut t'apporter de plus qu'un Time Crisis ou un House of the Dead? C'est quand même bah, le fait d'être dans la VR, ça change tout en fait. Ouais, vraiment? Ah ouais, ça change tout. C'est une Je immersion. C'est une crois immersion que j'ai. totale. Ouais. Ok. Parce que C'est une j'ai immersion tellement. totale. T'es dans un monde en 3D. Enfin, t'as les bonhommes qui pop à droite à gauche. Non, enfin, je pense que c'est ce qui change des rail shooters sur écran classique, c'est le fait d'être à l'intérieur, de tourner naturellement la tête. Et enfin, c'est des mouvements naturels. C'est ça qui Ok. change tout, je dirais. Je crois que c'est le genre d'expérience. Si tu l'as pas testé, si tu l'as pas fait, tu peux pas te. Non, c'est sûr, faut se faire son avis dans le truc, c'est sûr. Ouais. C'est sûr et certain pour moi. Pistol Whip ou même tous les jeux de ce genre, il faut être dedans. Je crois que ça se teste la VR, oui, clairement. Ça se teste. Ces mouvements si naturels, enfin, on le voit avec la réalité augmentée hein, un peu sur les smartphones pour ceux qui sont un peu technophiles et qui tentent l'expérience. Quand tu affiches la réalité avec un layer un peu technique par-dessus, tu vois, tu tournes ta main, tu tournes ton smartphone. Tu vois qu'il rajoute des choses par-dessus la réalité. Bah là, c'est pareil, sauf que t'as pas un smartphone. Enfin, il n'y a rien entre toi et le monde, quoi. T'es directement dedans. Tes yeux ne voient plus que ça. Il n'y a pas. Enfin, t'es dans ce monde virtuel. Concrètement, il n'y a pas de dispositif. C'est ça. Enfin, c'est dur à décrire, comme tu l'as dit. Ouais, je pense qu'il faut vraiment le tester parce que clairement ça fait partie du futur. Je vais pas dire c'est le futur parce que ça serait présomptueux de ma part de connaître le futur, enfin de dire que je connais le futur, mais je pense que ça fait vraiment partie du futur. Enfin, du futur du divertissement et du jeu vidéo, quoi. Bah oui, ah bah Ça fait oui. clairement partie du paysage, du futur paysage vidéoludique, Moi je je suis d'accord. pense. Faut encore un peu de temps, le temps que la technologie soit plus fiable, le temps qu'elle soit plus Ouais. facile à prendre en main par le commun des mortels, le temps qu'elle soit moins chère aussi, parce que ça coûte une fortune, on va pas se mentir. Il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour que ça devienne grand public, mais franchement, il y a du potentiel ludique qui va forcément arriver dans le grand public un jour ou l'autre. Je pense. Non, mais je pense aussi. Et Il faut donc, que. Non, ouais, vas-y, vas-y. il faut que ça se démocratise, ouais, c'est sûr. Mais pour ça, ouais, il faut des acteurs qui te font des. Parce qu'aujourd'hui, hein, enfin, moi, quand j'ai acheté mon casque, j'ai pris le rapport qualité-prix le plus évident, qui est l'Oculus Rift S. Tu veux un casque de réalité virtuelle et comprendre c'est quoi les. Enfin, il n'y a pas une lecture facile des produits disponibles sur ce marché aujourd'hui. Il n'y a pas. Parce que tu cherches à comparer les features des différents concurrents bah sur ce marché-là, en gros, hein, dans les grandes lignes. Tu as Oculus, tu as HTC. Allez. Après, sur le côté, il y a HP, il y a Valve, il y a probablement vite fait d'autres trucs. Je parle sur PC là exclusivement. Et encore. Ouais. Chez Oculus, tu as un modèle qui est à un prix qui est le plus correct, qui est le Rift S justement, qui est de 450 euros. Tu vas chez HTC, et ben tu arrives immédiatement à 800 balles, il n'y a rien avant. Du coup, Là, tu fais x2 quoi, direct. mais c'est ça, du coup tu te dis, mais attends, s'ils sont concurrents, normalement il y a un produit où tu l'identifies immédiatement comme étant le concurrent direct. Et ben non, en fait, j'ai été surpris de voir que sur ce marché, les acteurs ont des prix hyper différents. Même chez Valve, l'index, là, le casque, le modèle, ils ont appelé ça l'index, leur casque de réalité virtuelle de OK. Valve, il est à 1000 balles. C'est incompréhensible, c'est illisible ce marché. Enfin, moi, j'ai du mal à lire. Bref, voilà. Je me Donc souviens c'est. qu'on avait commencé à mater un peu les différents casques juste avant que tu sautes le pas. C'était compliqué, hein. C'était Ouais, compliqué. Enfin, on disait mal, ouais. C'était vraiment pas évident. Non, c'est clair. Voilà, bah, du coup, voilà, troisième jeu, c'est Pistol Whip. Il y a évidemment un jeu que je suis obligé de citer qui est Super Hot VR. Et Super Hot, contrairement à ce que son nom peut laisser penser, c'est un jeu qui a un concept que j'ai jamais vu ailleurs. Et là encore, ça va être un truc où c'est impossible à décrire, quasiment Ouais, parce impossible. Tu que connais? clairement, ouais, j'ai vu quelques, si on parle du même, hein, j'ai vu quelques vidéos de gameplay de quelques secondes. Pour moi, j'avais l'impression que c'était une espèce de FPS survolté avec limite bicolore. Je crois que c'était blanc et rouge, où Ouais, tu blanc, rouge et shootais un noir, peu ouais. partout. Tu shootais un peu partout et je crois qu'il y avait un peu le temps qui se ralentissait quand tu shootais un peu les cums qui arrivent vers toi. Enfin, c'est ce que je me souviens quand tu des comment dire des petites vidéos de gameplay que j'avais pu voir. Je crois qu'il est sorti sur PSVR, il me semble, Oui, celui-ci. probablement, ouais. Ouais. Attends, je vais te dire un mot, juste 2 secondes. Je branche mon casque, sinon il n'y aura plus de batterie, ça va être la dumps. Bah, vas-y, fais ça pendant que je vais chercher une bière. Ok. Voilà, c'est good. Tu me dis quand t'es là. I'm back. Ok. Du coup, c'est intéressant la lecture. Tu as parlé de FPS survolté. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans ce jeu, c'est que c'est absolument tout sauf survolté. Voilà. C'est génial. En fait, ce jeu, il est ultra contre-intuitif. Ce jeu, le temps avance quand tu bouges. Si tu ne bouges pas, le temps n'avance pas. Si tu es Énorme. totalement immobile, tu as tout le temps de regarder ce qui se passe dans la scène. Et tu ne crains pas de crever, vu que si tu ne bouges pas, il ne se passe rien de plus. Si Donc en on revanche imagine tu que le te. mec il te tire dessus, tu t'arrêtes, tu fais plus rien et tu vois la balle qui est statique en face de toi. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout le concept de ce jeu. C'est Et énorme. ce jeu, c'est un jeu où il y a des scénettes très courtes, de si tu prenais du temps réel, qui durerait à chaque fois un maximum, je dirais, de 10 secondes, grand maximum, et bien souvent c'est entre 0 et 5 secondes, mais je parle de temps réel, parce que le temps que toi tu les joues, ça peut durer 20 secondes pour 5 secondes, voire davantage, puisque du coup tu ne fais pas écouler le temps normal, tu bouges volontairement pas, parce que si tu bougeais, comme un humain normal bougerait, tu n'aurais pas les réflexes pour survivre à la situation. Ce sont des scénettes très courtes dans lesquelles, si le temps n'est pas arrêté, tu crèves instantanément. C'est-à-dire, le temps que tu aies le réflexe, tu te fais buter, hein, par un gars en face de toi ou 10 gars en face de toi qui se pointent et qui se mettent à tirer dessus. Mais le fait que le temps n'avance pas, tu as le temps d'analyser la situation, savoir comment tu vas esquiver les balles du mec de gauche, celui du mec de droite, enfin, calculer à l'avance les mouvements que tu vas dépenser. Enfin, c'est ça, les mouvements que tu vas dépenser avant de crever pour toi inverser la situation par rapport à tes ennemis. Tirer En fait, parti du peu de mouvement, du quota de mouvement que tu vas avoir avant de crever pour inverser la situation, quoi. donc c'est du bullet time poussé à son paroxysme. On peut dire ça, ouais. Mais C'est toi qui décides, en fonction de tes mouvements, à quelle vitesse le jeu va aller. Ouais. tu parles de quota de mouvement, ça se transcrit comment? En fait, quand tu arrêtes le temps, le jeu te dit, ok, d'accord, avant que le temps redémarre, tu as 5 mouvements ou 10 Non, mouvements. Non? c'est pour ça que c'est super dur, j'ai du mal à l'expliquer. C'est t'as pas un réel quota de mouvement, et le jeu ne il n'y a jamais de temps réel, sauf si toi tu bouges en temps réel. Ok. C'est comment Si toi tu bouges en temps réel, les ennemis vont bouger en temps réel. Si toi tu es immobile, les ennemis ne bougeront pas. Si tu tournes la tête à une vitesse extrêmement faible ou que tu lèves ton bras pour tirer sur quelqu'un à une vitesse extrêmement faible, eux aussi vont lever leurs bras pour tirer sur toi à cette même vitesse extrêmement faible. Ok. Tu vois, ils ont Ouais, je vois. le. Si tu n'avais pas cette capacité à ralentir le temps, tu crèverais tout le temps, puisque les réflexes humains ne suffiraient pas. En gros, tu as cinq mecs en face de toi qui essayent de te buter, tu meurs, hein, concrètement. Ouais. Mais là, comme le temps est ralenti, tu analyses la situation. Et quand je parle de quota de mouvement, bah, le quota, c'est toi qui le définis. Si tu D'accord. décides de lever ton bras pour tirer sur un mec, tu sais que le temps que tu lèves ton bras, bah, eux, ça va leur donner la possibilité de aussi peut-être lever leur bras ou commencer à te tirer dessus. Il faut que tu vois à l'avance que tu vas esquiver la balle du mec de droite et que donc le mouvement que ça te coûterait que de prendre le fusil à pompe là qui est à gauche, si tu le prends, le mec de droite, il aura le temps de tirer sur toi. Du coup, tu le fais Ok. pas. Tu penses autrement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et on est C'est. d'accord que vu que c'est en VR, si tu tournes la tête de manière réelle, en fait, si tu tournes T'es réellement mort. ta tête, ton T'es mort. personnage tourne aussi la tête, et Ouais. donc ça compte comme des vrais mouvements. Enfin, T'es mort. Bah oui, et d'ailleurs, t'es c'est mort parce ouf. que si tu tournes la tête comme dans la vraie vie, bah en fait, tu passes en temps réel et comme c'est hyper rapide, les scénettes sont hyper rapides et t'es tout le temps en danger. Enfin, dans les scénettes, te mettent en danger constamment. T'as des mouvements parfois instinctifs qui est, tu veux esquiver une balle, mais du coup, quand tu esquives la balle, toi, tu l'esquives avec des vrais mouvements au début quand tu commences à Bien jouer. sûr, Mais bah du coup, oui, tu normal. meurs encore plus vite. Parce que Tu tu me l'esquives absolument pas, en fait. Quand, le temps que hype t'es. de ouf là. Ouais, en fait, tu veux limite, tu veux te faire un truc à la Matrix, mais Oui, mais sauf non, que mais en t'es pas fait, non. Néo et donc tu Mais voilà, mais crèves. sauf que tu meurs. Et dès que tu as un mouvement réflexe que tu dis, oh putain, faut que j'esquive, ce que tu Ouais. ferais dans un pistol whip, par exemple, tu Ouais. esquives les balles. Bah là, si tu crèves encore plus vite, parce que tu remets le temps, le temps. L'accélération du temps, clairement, elle te bute. Ce que tu veux, c'est tout le temps être au ralenti pour pouvoir garder l'avantage. Donc C'est ouf. Au c'est un. début, tu dois essayer de triquer ton cerveau et en fait, ça va être chaud en fait. Ah mais au début c'est dur, hein. Au début c'est dur parce que t'as plein de fois où ton cerveau il se dit oh putain il y a danger donc il veut bouger vite, il veut s'extraire du danger. Sauf que c'est l'inverse, tu meurs. Ah, c'est ouf. Ouais non Ah, c'est. ça a l'air mortel. Après, c'est un univers qui est zarbi, c'est glauque, c'est un peu comme Pistol Whip graphiquement, c'est-à-dire que c'est très polygonal, mais c'est voulu. Et c'est pas. Franchement, moi, j'ai bien aimé. J'ai pas passé des heures et des heures, mais découvrir ce concept, ça m'a marqué. C'est une expérience qui m'a marqué, franchement. Jamais rien vu de pareil. Cool, Donc, bah, Super pareil, Hot. hâte de tester ce super hot. Ouais, bah ouais, je pense que tu kifferas bien parce que ouais, c'est une expérience jamais rien vue de pareil et en VR c'est encore plus ouf. Donc voilà, en Cool. gros, hein, ça fait pas mal de temps qu'on en parle de ces histoires de VR. Et faut quand même terminer avec un truc qui est essentiel, c'est Half-Life Alyx qui est sorti pendant le confinement. Donc ouais. Le fameux Half-Life Alyx qui a Non, fait il est pas couler tant sorti pendant, d'encre. il est sorti avant en fait d'ailleurs. Non, il est sorti pendant, il est sorti pendant. Je me souviens même plus de la date de sortie. Il est Je crois sorti. qu'il est sorti au tout début où tu avais ton casque, ou peut-être une semaine ou deux après que tu l'aies. Ouais, il est sorti fin mars, si je me souviens bien. Ouais, bah c'est ça, ouais, c'est au tout Ouais, début du confinement. tout à fait. Eh bien, moi, je ne l'ai pas fini. Je l'ai acheté, je l'ai pas fini parce que j'ai manqué. Je n'ai. Au début, j'étais hyper bluffé par la performance technique et le réalisme de la chose, parce qu'en plus on a du moteur physique digne de ce qu'on avait précédemment, ou presque digne de ce qu'on avait précédemment dans Half-Life, donc c'est assez ouf. J'ai vu des trucs Mais. de dingue fait avec le moteur physique Ah ouais. de ce Half-Life là. Je suis tombé sur des trucs sur YouTube ou sur Twitter où des mecs ont réussi à prendre des objets donc en VR et à faire des trucs complètement dingues, à jongler en VR avec des objets qu'ils ont ramassés au sol quoi. Des Alors là, trucs. les mecs, je te raconte pas le temps d'entraînement qu'il faut pour arriver à jongler, putain. Parce que, Bah, j'imagine. Alors déjà, sans moi, palper l'objet, waouh. Jongler IRL, déjà, t'y penses même pas. Mais ouais, j'ai vu des mecs ramasser des objets au sol et jongler avec, je sais pas, des bouteilles vides ou des trucs comme ça, quoi. Bah, des bouteilles vides, c'est un bon exemple, parce que, bon, c'est une bonne idée, mais dans Half-Life Alyx, il y a quasiment que ça comme objet ramassable. Des bouteilles vides et des canettes, hein, mais bon, c'est pas mal. Enfin, de là où, jusque là où je suis arrivé, en tout cas, c'est-à-dire au début. Il y a des bouts de bois, des caisses, des bouteilles vides. C'est vraiment des Ok. alcooliques dans ce jeu. Il y a que des bouteilles vides partout. Ouais, et puis bon, mais c'est, en tout cas, c'est techniquement très bluffant. Le moteur physique est très bluffant, mais je sais, moi, il m'a, j'arrivais pas à y revenir. Je me suis forcé à y revenir deux, trois fois, mais j'ai pas réussi à me plonger dedans vraiment, comme Half-Life 2 m'avait emmené, quoi. Ah bah. Donc, peut-être une lacune de fan de Half-Life, pas assez fan peut-être pour me plonger dedans suffisamment de temps, ou tout simplement, comme ça arrive à tous, private joke, le syndrome de God of War. C'est ça. Quand tu veux bien aimer, tu voudrais, Ouais. tu as envie d'aimer un jeu, mais force est de constater que ton cerveau il se hype pas et tu n'as pas le contrôle. Donc si tu n'as pas le contrôle, eh bien voilà, tu n'as pas envie de revenir à un jeu. Et après tout, la question légitime se pose, c'est pourquoi est-ce que tu reviendrais à un jeu si tu n'as pas envie d'y revenir? Est-ce que tu as un devoir au final? Ou est-ce qu'a priori Non, tu mais joues par plaisir? Ouais, la question se pose. après il y a plusieurs trucs, hein. Il y a le fait que allez, tout le monde aime Half-Life, donc tu te dis putain, mais attends, tout le monde est en train de le kiffer, pourquoi je le kiffe pas? Et après tu peux aussi te dire putain, mais je l'ai attendu grosso modo depuis la fin de Half-Life 2, mais je suis con de pas aimer en fait. Putain, mais je dois louper un truc. Ouais, t'as l'impression de passer à côté de quelque chose, ouais, Ouais. effectivement. Et c'est Bah, compliqué d'admettre que, en fait, bah, ton cerveau, il accroche juste pas, quoi. Ouais. Pour des raisons que tu peux pas toujours expliquer. Parfois, tu arrives à mettre des mots dessus. Parfois, c'est juste que, bah, y a quand même une part de feeling non trop descriptible dans la relation qu'on peut avoir avec un titre. Bah c'est ça, et je l'ai vécu il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, il y a moins d'une semaine. Pour là, allez, on va dire cinquième, sixième fois, je me suis remis à tester Kingdom Hearts. Ok. Vas-y, je vois que le 3 il est pas trop cher. Allez, j'essaye de me finir le 1, je vais me lancer sur le 2 et je vais essayer de faire tous les Kingdom Hearts 2.8, Alpha Prime, machin. Enfin, ils en ont sorti à chaque fois What Milliard. Et en fait, j'ai beau essayer d'aimer ce jeu-là depuis la PS2. J'avais le Kingdom Hearts 1 sur PS2. Depuis la PS2, j'essaye de l'aimer et en fait, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je l'ai acheté sur plusieurs plateformes et à chaque fois je bute, à chaque fois j'arrive pas à aimer ce jeu. J'ai envie de tout mon cœur, quoi, parce que j'adore l'univers Disney, j'adore l'univers Final Fantasy. Et je me dis que le mélange des deux, ça peut que fonctionner. Et putain, j'y arrive pas. C'est intéressant comme sujet, je trouve. Hein. C'est Ah ouais, fou. À quel point on se c'est dit que dingue en ouais, fait. on devrait aimer, on se dit qu'on devrait aimer en fait. Et Ouais, c'est ça, ouais. on est en dissonance, quoi. Mais pourquoi j'aime pas? On s'en veut de ne pas aimer un titre. On Mais oublie ouais, mais qu'a priori on complètement. joue pour le plaisir. Ouais, mais complètement. Et tu te dis, mais putain, mais le truc, soit je l'attends, soit putain, mais tout le monde l'aime. T'as parlé de God of War en private joke il y a quelques secondes, mais c'est ça, ouais. Quand je vois que le truc, il a été élu jeu de l'année et tout ça, et que moi, j'y ai passé, je sais pas, j'ai dû y passer 5-6 heures minimum. Et le jeu était magnifique, la DA était ouf et tout ça, mais en fait je prenais zéro plaisir à y jouer. Et c'est, tu te dis, mais pourquoi? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que c'est moi qui suis différent? Est-ce que Remise en question c'est de ta vie entière. mais complètement, complètement. Je me suis rasé la tête, je suis parti sur le Machu Picchu. T'as brûlé tes vêtements. Et tu te dis, mais pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tout Pourquoi? tournait rond jusqu'à aujourd'hui. Ma vie était toute tracée. Et là, j'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Et qui ouais, se non, passe? c'est. Ouais, ben. Bah... C'est un gros sujet, hein. Je trouve ça très, très intéressant comme sujet. J'ai eu beaucoup aussi l'occasion d'y réfléchir moi pendant ce confinement, aussi parce que donc là, je pense qu'on a parlé de la VR maintenant beaucoup. J'ai aussi pris des titres non VR, clairement des moins chers, des plus chers, mais notamment j'ai pris un titre qui s'appelle Broforce, qui était en promo, Ah, Broforce, énorme. qui est exagérément bourrin, et c'est absolument Mais toute la oui. marque de fabrique de ce jeu, Mais où tu oui. as tous les bourrins du monde du cinéma qui sont dans le jeu avec des noms qui sont modifiés en bro quelque chose. Mais oui, mais C'est oui. T'as du absolument... Stallone, t'as du Voilà. Schwarzy. Tu as Bruce Oh, énorme ce Willis, jeu. tu as Neo dans Matrix, tu as Wesley Snipes dans Blade. T'as Indiana Jones, enfin n'importe quel héros dont le but dans la vie était de bousiller, s'est retrouvé dans ce jeu avec Ah bah oui. un nom brouillé, quoi. Ah mais c'est excellent. Par exemple, Il est énorme ce Blade. jeu. Blade qu'ils ont appelé Braid. Je me Moi, souviens plus ça de m'a tous fait les rire, c'est de tous les extraordinaire. jeux de mots, mais putain, ouais, il est excellent ce jeu. Eh bien ouais, j'ai bien kiffé. Bon, je l'ai pas fini, je l'ai pas fait, mais j'ai eu toujours envie d'y revenir. Du coup, ça n'a pas spécialement de rapport avec le précédent sujet, mais on va venir à d'autres titres qui en ont un. Là, celui-là, j'ai bien kiffé. Ce titre, graphiquement, il paye pas de mine, hein. Non, c'est du pixel art, C'est hein. du pixel art. Mais pourtant, il est ultra dynamique, il a une Ouais. personnalité, enfin, il a toute une DA aussi, enfin, je sais pas, Ouais. je Non, trouvais ça top. il est cool et en plus c'est du die and retry, il est pas punitif. Ouais, tout à fait. Et puis, Et t'es vachement badass, en fait. ouais, mais de ouf, T'es mais de ouf. En tellement fait, badass. tu te retrouves carrément dans les. En fait, c'est un film d'action des années 80-90. Ouais. Ça s'arrête jamais, ça tire de partout, c'est dans la surenchère tout le temps, ça pète, Ouais, c'est ça. c'est t'es seul contre tous, enfin voilà, enfin c'est énorme. Mais j'y ai jamais joué solo à ce jeu-là en fait. Ah d'accord, bah, j'ai fait que solo moi. Je l'ai fait qu'en coop avec mon pote Thierry. Et c'est ouais, on a passé des bons moments. C'était vraiment cool. Bon, un petit disclaimer à tous nos poditeurs. Ne pas y jouer bourré. Ah ouais. Le personnage est trop petit, ça va trop vite. Bourré, tu ne vois rien et tu ne kiffes pas du tout ce que tu es en train de faire. Ok, ouais, je te comprends Voilà, là. Puis ton cerveau a pas le temps de s'habituer parce que ce qui est aussi ouf dans ce jeu, c'est que quand tu parlais de die and retry, ce qui est marrant, c'est que ouais, tu die and retry, sauf que quand tu retry jamais avec le même perso. Avec le même, c'est ça, ouais. Tu C'est. die pour dire, voilà, tu die avec Schwarzy et tu retry avec Bruce Willis. Et tu Exactement. die avec Bruce Willis, tu retry avec Blade. Enfin, à chaque Oui, fois, tout à tu fait. reprends avec un autre personnage, quoi. Voilà, ce qui te fait envisager le niveau un poil différemment, parce que les personnages ont des capacités qui sont quand même distinctes, hein. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des Ouais, il y a du corps à stratégies. corps, Tout à fait. il y en Il y a en a qui t'envoient des qui ont des torpilles qui gros. traversent tout l'écran, alors que t'en as un, il a un petit lasso qui fait pas 3 cm sur Oh! l'écran. Ah, tu vois, Indiana c'est. Jones! Bah Ben oui. oui! Tu Ben vois. oui, carrément! T'as Judge Dredd, un missile, il peut traverser l'écran en mode Snake en couvrant tout l'écran et en détruisant tout ce qu'il y a dessus. Alors Ah qu'Indiana Jones, putain! il peut envoyer son filet 3 cm plus loin, quoi. Enfin, son fouet, pardon. Et t'as pas des persos ou t'as un double perso? Si, il y en a un, ouais. Je sais plus. D'ailleurs, je connais pas la référence. Je sais même pas c'est qui. C'est deux mecs. Je sais plus. Je sais plus qui c'est, mais ouais, t'as, tu me dis ça et ça vient de me popper comme ça. Je sais que t'as un perso ou t'as un double perso en fait. Tout à fait. Ouais. Je sais. Bah, du coup, voilà, Broforce, moi, c'est un kiff. Franchement, c'est un kiff. Je Et tu l'ai l'as pris pris sur quoi? Sur PC? sur PC. Ouais. Je l'ai pris parce que Ok. il coûtait une Lagunitas. Du coup, Ok. ça fait partie des jeux que j'ai ajoutés à mon catalogue et que j'ai joué parce que ça coûtait une Lagunitas. Après, Cool. il y en a aussi d'autres, des comme ça. Je me suis replongé, en fait, la série des Resident Evil. Je me Ah. suis remis Resident Evil 4 sur PC. Je l'avais pas sur PC, je l'avais fait sur Wii à l'époque et sur GameCube. Du coup, je l'ai fait sur PC et j'ai vu à quel point le gameplay avait vieilli. Le strafe n'existait pas. Et pourtant, à l'époque, il avait révolutionné les Resident Evil. Mais bien sûr, ah, ça Parce que n'avait t'es. aucun rapport avec le Bah oui. 3, Bah Nemesis. non, parce que depuis le 3 Nemesis et même le Code Veronica, si je dis pas de conneries, qui était sorti sur Dreamcast aussi un tout petit peu avant, Angle de caméra t'avais fixe. une caméra fixe en fait, avec des décors Gameplay grosso modo mou. précalculés. Ah ouais. Gameplay Et là, ultra mou. tu passais d'une caméra fixe à une caméra quasi épaule, comme on a maintenant Ah bah c'est le cas. C'est caméra sur épaule, hein. du Uncharted ou autre. Ah c'est caméra épaule. Ouais. Et ça avait fait entre guillemets scandale à l'époque. Ça avait révolutionné pour certains, ça avait révolutionné le genre, et pour d'autres, ça avait complètement Détruit dénaturé la saga, ouais. Dénaturé la l'expérience de saga. Resident Evil. Ouais, ça lui a fait prendre une autre direction. En tout cas, Beaucoup je me plus action. suis. Ouais, tout à fait. Bah, je me le suis refait là, ça m'a fait du bien de le refaire. Franchement, j'ai bien kiffé le refaire. Même Sur si, du PC coup, toujours? j'ai. Sur PC, ouais. Et du coup, j'ai bien perçu à quel point le gameplay avait vieilli. Si je me suis fait ça, c'est aussi et sûrement, et j'aurais dû en parler avant peut-être, parce que le seul jeu récent que je me suis acheté de tout ce confinement, non, c'est pas vrai, il y en a deux, c'était Resident Evil 3 Remake sur PS4 qui est sorti pendant le confinement, là aussi, hein, Et est-ce que si t'en as pas parlé, c'est peut-être parce que tu l'as fini en 2 h 30 et voilà. Du coup, c'était anecdotique. Voilà, c'est un peu ça. Et je l'ai effectivement fini en 2 h 30, voire même en dessous de 2 heures, puisque comme je l'ai platiné, il fallait le finir en dessous de 2 heures pour le platiner. Putain. Non, mais j'ai dû y jouer une bonne vingtaine d'heures, une bonne vingtaine d'heures pour arriver à le finir en aussi peu de temps. Mais l'histoire, la première fois, j'ai dû la faire en. Je crois que tout le monde dit 6 heures. Moi, en réalité, j'ai dû mettre 7 h 30, 8 heures pour la première, pour mon premier. Ma première Pour le game, premier parce que run. j'ai pris Ok. le. Bah, déjà, parce que je l'ai fait en hardcore. J'ai commencé, j'ai pas fait en mode normal, j'ai fait le Le guedin. mec ne plaisante pas. Le mec ne Non, pas le plaisante pas. Le time. mec commence le jeu hardcore. Règle Voilà. dit. J'ai pas voulu perdre. J'ai pas voulu faire la chochotte, vu que je connais un peu la série, et aussi parce qu'il est quand même très proche de Resident Evil 2 Remake qui est sorti l'année d'avant. Hein. Faudrait pas se mentir, ils ont pas réinventé la roue. Il y a un ajout dans le gameplay qui se trouve être l'esquive, le dodge, le fameux dodge là, la roulade, où si tu appuies sur une touche pile au bon moment, c'est un peu comme sur RE3, premier du nom, la Nemesis, tu pouvais esquiver, ce qui n'était pas dans le 2. Donc là, il y a cette même mécanique d'esquive, mais sinon, le jeu il est très très voisin du RE2 Remake. Hein. On a l'impression que c'est presque un add-on ou une suite de RE2. Mais d'ailleurs, c'est le cas, en fait, dans la série canonique, c'est le cas. Ça se passe à Raccoon City, c'est dans la Bah, même chronologie. il se passe quasiment en même temps. Il se passe autour. Exactement. Il se passe autour Ouais, de c'est ça. RE2, tout à fait. Il commence un Et peu après, avant, il finit un peu après. si je dis pas de conneries, il a été développé en même temps. Le développement, déjà, il partage le même moteur graphique et Ouais. il a été développé en même temps que RE2, en fait. Ils ont commencé le développement en même temps que RE2, Tu remake. parles du remake. Ah, le remake, bah, c'est Ouais, bien le possible. remake, ouais. Ils ont essayé Ah ouais. probablement de nous la faire à l'envers en disant ouais, si le 2 marche, j'en ferai peut-être le 3. Mais il y a quand même bien moyen qu'ils aient fait les deux en même temps. J'ai envie de crier un gros Ouais, bullshit. y a bien moyen, ouais. Il y a bien moyen. Et là d'ailleurs, t'as peut-être entendu parler les rumeurs parlent d'un RE4 remake qui Ouais, j'en ai arriverait. entendu parler il y a une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Ouais. Mais why not? Why Ouais, not? je dis why not, C'est. surtout que j'ai refait le RE4 là et honnêtement, ouais, ce serait pas déconnant de le remake lui hein, aussi. Hein. Même Bah. si la claque elle aurait rien à voir avec RE3 Nemesis, RE3 Remake, et bien évidemment, vu que le RE4 il était dans le turfu mais fois 1000 par rapport à RE3 Nemesis, Bah oui, bien sûr. c'est sûr que la claque sera moins forte. Mais quand même, Je rien que pense que le celui que tu peux gameplay, remake, ouais. je pense que celui que tu peux vraiment remake, c'est le 1 en fait. Parce que le 1, ils l'ont Remaster. remake. Ouais, ils l'ont remaster. Bah, remaster remake, grosso modo, avec le ce qui est celui qui est sorti sur PS3 il y a, je sais pas, peut-être 7-8 ans, quelque chose comme ça maintenant. Ah bon? Ouais, il était sorti sur PS3 au début de PS4. Alors Je pour sais moi, il qu'il n'y a est qu'un dispo sur remaster. Hein. PS4. Ouais, mais en fait, tu gardes grosso modo les mêmes. C'est des caméras fixes. Oui? Mais du coup, Voilà. c'est effectivement purement un remaster pour moi. Purement un remaster dans le sens où ils ont fait avec des Ouais. graphismes modernes, ils ont fait RE1 avec des graphismes modernes. Ouais, mais ils ont quand même changé tout le moteur graphique. Donc après, si tu. Après, allez, est-ce qu'on lance le débat? Ah, Qu'un qu'est-ce qu'un remake et remaster? qu'est-ce qu'un remaster? Bah, pour moi, un Parce remake, que. on fait des ajouts et des modifications sur l'histoire, sur le gameplay, sur ce genre de choses. C'est pas purement. On te refait le truc à l'identique, juste parce que c'est quand même à l'identique là pour le coup, Parce RE que HD Remaster. pour moi, un remaster. C'est tu De gardes changer les textures, tu quoi. gardes grosso modo le même moteur graphique, tu augmentes les textures, tu augmentes le framerate, tu augmentes la résolution, mais tu gardes grosso modo les enfin c'est le même jeu mais plus beau en fait. Ouais, bah d'accord. Là, c'est un autre level de remaster alors, mais ça reste du remaster. Là C'est pas du là remake. là pour moi, ils n'avaient pas encore trouvé le ils n'avaient pas encore trouvé le parce que regarde grosso modo. Le Zelda Link, non, c'est lequel qui est sorti sur Switch là? C'est C'est merde. Link's Awakening, tu Ouais, veux dire? Link's Awakening. Ouais. Tu gardes exactement le même gameplay. Le gameplay, c'est exactement pareil. Et pourtant, c'est pas juste un remaster. Enfin, pour moi, c'est un vrai remake en fait. C'est un bon exemple, hein. En plus, ouais, alors qu'il n'y a pas d'ajout par rapport au précédent jeu. Pour moi, il y a quasiment zéro ajout. Peut-être qu'ils ont rajouté 2-3 trucs. Je me souviens plus du jeu que j'avais fait à la base sur Game Boy. Mais pour moi, ils ont peut-être rajouté 2-3 petits trucs. Enfin, bref, mais Ouais, pour moi, c'est on voit que les exactement le même définitions sont gameplay en faibles. fait. Les définitions sont. Tu as raison. C'est vrai. Si REHD Remaster, c'est un remaster, alors Link's Awakening, ce serait aussi un remaster. Puisqu'il ne s'agit C'est que ça. d'une refonte graphique et sans plus. Là où C'est il ça. est clair et net que RE2 Remake et RE3 Remake ne sont pas des remasters. Mais non, là Et c'est que mais là Final c'est clairement Fantasy des remakes VII n'est pas un au même remaster. titre que Ouais. FF7. Voilà, tout à fait. FF7 Remake, rien à voir. C'est pas du remaster du tout. Il y a tellement d'ajouts, tellement de Bah oui. différences, Ah tellement mais de non mais façons de jouer qui ne sont plus pareilles. Enfin, bref, ça n'a je rien à voir. trouve. Par contre, tu vois, pour moi, un remaster, ça reste par exemple le remaster de The Last of Us Ah entre oui. la PS3 et la PS4. Ah oui, Bah, qu'est-ce d'accord. que tu fais? Tu le passes en 1080p, tu mets du 60 FPS, tu sors la version Game of the Year avec tous les DLC. Et voilà, enfin, pour moi, Ah, c'est vraiment le du remaster, remaster tout bête, ouais. Ah, il est là, d'accord. tu vois. Tu Ah, je gardes comprends. grosso modo le même jeu et tu le rends plus fluide et plus beau. Je comprends. Je comprends ta définition. C'est discutable, évidemment. De toute façon, il y a Ouais. plusieurs niveaux de remaster. Je Mmh. pense que la définition de remake, on est à peu près d'accord, mais la définition de Oui. remaster, c'est un peu moins facile. Il y a des niveaux. C'est ça. Voilà, Bon, après voilà, tout ça du pour coup. dire que je pense que celui qui vaudrait peut-être le coup à être remake Remake, c'est le 1, ouais. comme le 2 et le 3, c'est le 1, quoi. Et ouais, c'est vrai, ça serait cool. Ça serait cool de le refaire parce que quand tu vois la pauvreté des dialogues de l'époque. Oh putain. Oh, et la scène d'intro en FMV? Oh là là là là là. C'était. Mais c'était. Non mais. Il y a des débats sur Internet qui se demandent si c'était vraiment sérieux. Genre à l'époque on croyait ou pas que c'était stylé. Ou si déjà à l'époque les gars étaient dans le turfu et qu'ils se foutaient déjà de leur propre gueule, tu vois. Mais on a du mal à le savoir. Moi, Pour j'ai du mal à moi, savoir si cette intro, c'était réellement du nanar ou si c'était voulu, quoi. je sais pas. Alors moi, mon point de vue, c'était pour moi clairement de la série Z. Pour D'accord. moi, c'était Donc voulu. pour toi, c'était. Ah, c'était voulu, d'accord. Ah, pour moi, c'était voulu. Oui, c'est de la série Z. Ouais, pour moi, Oui. c'était clairement voulu. D'accord. Eh bien, je C'était l'espère. En tout voilà. cas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour toi, c'était Franchement, voulu ou j'étais. c'était ou tu J'étais. penses qu'ils étaient Franchement, sérieux? avec le recul, je pense davantage qu'ils n'étaient pas sérieux. Mmh. Parce que aussi, Capcom, c'est quand même bien des beaufs, hein, C'est vrai. dans cette série. Mais à l'époque, vu que je l'ai fait, j'étais beaucoup plus jeune et moins de capacité d'analyse. Bah à l'époque, je crois que je trouvais ça réellement stylé. Je crois. Ah mais à l'époque c'était stylé quand tu mélangeais des vrais acteurs dans un jeu, Ah tout ouais. ça, enfin c'était ultra stylé. Ah mais attends, Wesker qui se recoiffe là. Les petites intros là, où ils te font les noms en voix off des mecs qui font un petit mouvement là. Oh là Oh là, mais c'est. putain, oh là. Ah, Jill Valentine. Et là, t'as Jill qui se recoiffe ou qui remet son béret. Barry Burton. Et le mec qui recharge son magnum. Albert Wesker, le mec qui se recoiffe avec un peigne. Oh putain, les gars, non! Quand on voit ça en 2020, on se dit sérieux? Non! C'est aujourd'hui, on peut se Terrible. demander. À l'époque, on devait trouver ça bien stylé. Je pense que Ouais. c'était dans les codes du style de l'époque. À l'époque, ouais. À l'époque, je pense qu'on trouvait ça stylé. Mais non, mais enfin, avec le recul mature et adulte qu'on a maintenant, je pense qu'il y avait un peu de Méthode. nanardesque derrière, en fait. Ah, peut-être bien, ouais. Enfin. Bah voilà, du coup, bah, c'était le. Je me suis refait RE2, RE4, pardon, du coup. J'ai retâté un petit peu aussi du RE3 Nemesis. J'ai plus avancé que jamais, parce que moi, au final, le RE3 Nemesis, je ne l'avais pas fait en entier. Et là, j'ai avancé Putain. davantage. Et je l'ai trouvé sur un site que je connaissais pas. À la base, je voulais aller le prendre sur Steam, comme un con, j'allais dire entre guillemets. Et en fait, c'est pas con du tout. Tu veux un jeu, a priori, tu vas sur Steam, enfin Ouais. sur PC, ce que j'ai fait. Sauf que, introuvable. Je me dis, mais bizarre, il n'y a pas R3 Nemesis. Et du coup, en cherchant un peu, bah, je l'ai trouvé sur un site qui. Comment il Ah, s'appelle le site? fais-moi deviner. Je veux D'accord. jouer en fait. Vas-y, tu veux jouer? Bah, je te. Ouais. Mais c'est dur, hein. Est-ce C'est que dur. c'est sur GOG? Non, c'est pas sur GOG. C'est pas Mais. sur GOG? Non. Non. En plus, je joue pas sur PC, donc j'avais juste ça en tête et je voulais faire le beau gosse, me dire putain, mais en fait, je vais trouver en 2-2. Bah non, GOG Donc c'est c'est un pas site sur GOG, c'est de. pas sur Steam. C'est un site de revente de clés, GOG. Ça revend des clés activables sur Steam. Non. Non? Je connais mal Ah alors. non. C'est quoi GOG? C'est Non, GOG, pas. c'est. Attends, qui c'est qui a balancé cette truc-là? C'est quoi ce truc? Bah c'est un site d'achat. Je suis dessus là. Ouais, Tu peux c'est acheter un des. site d'achat, ouais, mais c'est pas un site de revente de clés. Ah bon? Et quand t'achètes, tu. Quoi? C'est comme Steam, c'est une boutique. C'est quoi? Tu peux pas. Tu downloads tes jeux depuis GOG? Ou t'achètes des clés? On dirait Je que m'en demande beaucoup. c'est un site où t'achètes des clés, ça, GOG. Hein. Ouais, mais c'est pas un truc de revente de clés. Oui, ou un magasin de clés, quoi. De clés, probablement de clés Steam ou de clés. Si, regarde, je vois que. Attends, admettons que je vais acheter Gris. Un jeu que t'aimes bien, ça. Une tuerie. Une tuerie gris. Qu'est-ce Ou qu'il. attends, non, faut le prononcer, c'est un jeu espagnol, faut le prononcer à l'espagnol. Gris. Grèce. Je sais pas si j'ai l'accent. Ouais, Gris. certainement. Putain, il y a Agent A qui est à 3,39 €. Pas cher, fesse. Énorme. Non, Mais non, pas du coup, cher. il me dit pas, il me dit pas du tout Je sais comment il pas me le s'ils ont un vend, sous launcher. quel format, comment il me le deliver en fait. C'est quoi le delivery sur GOG? Je ne Non, mais sais pas. regarde, télécharger GOG Galaxy pour Mac. Je pense qu'ils ont leur launcher en fait. D'accord, ok. Bon bah peut-être que t'as raison du coup et que c'est comme ce serait un concurrent de Steam direct alors ce GOG je connais rien malheureusement Ouais. On fait un podcast de jeux vidéo sans s'y connaître. On est on pas mal. découvre bah et on peut pas tout connaître il y a des trucs encore à découvrir mais t'as raison ouais t'as raison là on meuble comme on peut mais tout ça pour dire non en fait j'ai trouvé Resident Evil 3 je n'ai même pas trouvé un moyen de l'acheter le Nemesis je n'ai pas trouvé du coup je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle abandonwarefrance.org Il était sur Abandonware? il était sur Abandonware donc D'accord, donc Abandonware, on est d'accord que c'est normalement les jeux, les softwares qui sont libres de droit en fait. Sur Abandonware, c'est libre de droit, non? Je sais pas. Je sais pas, tu Je l'as payé ou suppose. tu Non, l'as. je l'ai pas payé. Il est en téléchargement gratos, total. Après, est-ce que c'est légal? J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Mais abandonwarefrance.org, ça m'a pas l'air d'être un site bien illégal. Hein. C'est le truc a Non, non, l'air non, mais. totalement legit. Parce que normalement, enfin, il me semblait que sur Abandonware, là, j'y suis, on dirait un vieux blog des années du début des années 2000. C'est Oui. moche. Oui, le site n'a pas grandi. Il est resté en 2000, effectivement. Comme je sais pas si c'est fait exprès d'ailleurs. Dites-le nous Ouais. dans les Et commentaires. il me semble que les trucs sur Abandonware. Oh putain, ah ouais, c'est moche. C'est dégueulasse. Et tu tapes dans la petite barre de recherche dégueulasse là, parce que t'as vu que c'était un site en 800 par 600. Hein, sur un écran CRT, c'est en 800 par 600, ça tournait bien ça. Tu vois, ils n'ont pas changé, ça sert à rien. Ah putain de C'est merde. ouf, c'est ouf. Oh, Putain, et ce qui. j'ai l'impression de revenir en 2001 ou 2002, quoi. C'était. C'est génial parce que tu vois, sur la droite, tu as quand même Tipeee et Utip sur un site qui a un graphisme des années 98. C'est De extraordinaire. ouf, de Moi, je trouve ouf. ça balèze. Ils auraient dû C'est pixeliser les excellent. logos Tipeee et Utip. Ouais, mais là on voit vraiment que c'est le truc, il est dans son jus, quoi, en fait. Ouais, total. Mais du coup, Et donc, en fait, je toi, l'ai tu l'as chopé téléchargé là-bas. gratos sur ce site. Et ben, je l'ai chopé gratos sur ce site. Et j'ai commencé à jouer. J'ai lancé l'exe. Et j'ai commencé à jouer comme ça. Et je l'ai pas fini, mais j'ai vu, vu que j'ai fait le RE3 remake un peu avant, bah ça m'a permis de me remettre dans les références, voir un peu ce qui avait été repris, pas repris, etc. Donc c'était cool. Et ça m'a. Ouais, t'allais dire un truc? Ouais, non, mais juste parce que j'écoutais un podcast tout à l'heure, parce que tu es le plus calé de nous deux sur Resident Evil. J'écoutais un podcast tout à l'heure où apparemment ils ont enlevé des pans entiers du scénario de Ouais. Resident Evil 3 Nemesis, donc Ouais, c'est vrai. le matériau de base. Ils ont enlevé des pans entiers de scénario et de gameplay, quoi, dans le remake. Alors oui, mais il y a aussi des pans à rajouter, en quelque sorte. C'est beaucoup plus différent que ce que je pensais, hein. C'est vraiment deux jeux bien différents. Ils ont Ok. supprimé du contenu, ils en ont rajouté. Enfin, c'est surprenant. Je trouve ça vraiment surprenant. Les interventions de Nemesis aussi. Enfin, en même temps, graphiquement, ce RE3 Nemesis, il est tellement ultra loin de ce qu'on sait faire aujourd'hui que, enfin, il y a pas mal de décors que tu les reconnais pas du tout. Franchement, moi, je les reconnais pas du tout. Même la carte, je l'ai pas reconnue. Je l'ai vraiment pas Je veux reconnue. bien te croire, avec ce que j'ai vécu sur FF7 Remake, je veux bien te croire que Ouais. Non, et... c'est la technique, elle est à des À des années-lumière. années-lumière. En gros, le fait de... Je venais de faire RE3 Remake, je suis allé sur RE3, je ne savais pas quoi faire, pas plus qu'avant. Parce que c'est les RE de l'époque, c'est pas forcément toujours évident, quoi. C'est pas... Parfois, tu te demandes, faut faire quoi avec tel objet, faut aller le mettre où, faut aller de l'autre bout de la map pour déposer tel objet dans telle statue. Enfin, c'était pas non plus limpide, quoi. Et ça ne m'a pas du tout aidé d'avoir fait RE3 Remake juste avant de tenter le RE3 Nemesis. Parce qu'on le voit bien, hein, le jeu évolue vers... C'est beaucoup moins compliqué qu'avant, c'est beaucoup plus intuitif qu'avant maintenant. Quoi faire pour avancer dans un jeu? Je pense qu'aujourd'hui, tu es quand même dans un jeu, tu es quand même rarement bloqué pendant trois plombes sans aucune indication. Et limite, un gamer, il serait indigné de voir un jeu aujourd'hui comme un jeu de l'époque, où on pouvait te laisser galérer pendant 80 heures à absolument pas savoir et à avoir aucun indice sur qu'est-ce que tu dois faire maintenant, quoi. Parce qu'avant, Ah. ça, c'était presque la norme, hein, à une certaine époque, ça. Tu galérais et Exactement, t'avais que ça à dans faire tous que de les jeux. galérer. Ouais. Dans tous les jeux, Et... hein, tu faisais un JRPG, tu te baladais dans la map, t'avais aucune indication et t'essayais de te trimballer à gauche à droite. Tu voyais qu'à gauche tu te faisais défoncer ta mère avec le petit niveau que t'avais et tu rentrais chez toi la queue entre les pattes et soit tu farmais, soit t'allais voir Ouais. ailleurs pour essayer de continuer l'histoire, quoi. Voilà. Bah là, du coup, RE3 Remake est bien plus facile à comprendre que RE3 Nemesis. Et le fait de faire le remake, bah, ne m'a pas aidé à comprendre les passages que j'avais pas vu avant dans RE3. Voilà. Et du coup, D'accord. enfin, ce qui m'intéressait dans le fait de faire RE3, c'est que c'est l'une des premières fois, enfin, à part quelques anecdotes qu'on a ensemble, où j'ai réussi à me remettre dans des jeux si vieux que ça maintenant. Et à y jouer un certain nombre d'heures. Parce que la plupart du temps, en me remettant dans des jeux aussi vieux que ça, alors qu'à l'époque on avait pu y passer des heures et des heures, hein, aujourd'hui t'as tellement mal aux yeux que c'est dur de rester accroché. Et C'est là, clair. je sais pas trop comment, mais j'ai réussi à. Enfin, mon cerveau, il a réussi à trouver un certain charme là-dedans, dans le fait que t'es ce gameplay tout limité, là, tout mignon de l'époque, où tu pouvais rien faire, mais t'étais content quand même. Il y avait trois touches, quoi. C'est quoi, tu t'es C'est vrai que c'est avancé, ouf. reculé, Ouais. action, et voilà, c'est fini. Tu vois, j'ai trouvé un certain charme là-dedans. Parce que je me dis, mais aujourd'hui, tu as parfois des gameplays tellement compliqués où il faut maîtriser des combinaisons de 8 touches en même temps pour arriver à faire Mais certaines de ouf. choses, De ouf, pour ouais. évoluer dans la 3D ou je sais quoi, je ne sais quoi. Ou genre, tu penses, je sais pas, à des Bayonetta ou des jeux de combat récents où tu as ces notions de timing, de saut, enfin, je sais pas, toutes ces techniques où il faut utiliser l'espace et les différentes combinaisons de touches. Tu reviens sur un jeu comme ça où il n'y avait rien, genre il y avait trois possibilités. Putain, ça fait du bien quand même. Moi, j'étais content. Même tu fais un boss fight maintenant sur RE3 Remake et tu fais un boss fight sur RE3. Sur RE3, c'était. Enfin, j'ai réussi à crever hein, quand même hein, sur RE3 Nemesis. Hein. Mais Ah tu dis. Le boss, il pouvait pas être trop dur non plus, parce que de toute façon, t'avais pas le choix. Hein. T'avais ton gun, tu le pointais sur lui, tu tirais, quoi. putain. Il n'y avait pas non plus 10 millions de façons de le buter. Donc, alors que C'est ça. maintenant, pour buter un boss, oh, putain, maintenant, c'est tout un scénar. Hein. Il faut attendre qu'il ait 8 patterns, qu'il montre son point faible quand t'as appuyé sur tel ou tel truc. Enfin, c'est le gameplay, tu sens qu'il a bien évolué. Et je crois que ça m'a fait du bien d'analyser. via ce RE3 Nemesis et RE4 aussi que j'ai refait, de me dire, ah ouais, avant c'était comme ça. Avant il y avait carrément moins d'options, moins de possibilités, moins de boutons, moins. Tout était plus simple en fait. Et vu que tu as fait les deux dans un laps de temps plutôt réduit, tu as pris le plus de plaisir à faire lequel au final? Alors, entre lequel et lequel, du coup, pardon, le remake ou le... Bah, entre le remake et celui de base. Ah oui, ah non, déjà celui de base, j'ai joué pas mal, mais je l'ai pas fini. Ok. J'ai pas suffisamment accroché pour le finir. Mais du coup, D'accord. clairement le remake. Clairement le remake, quand même. Clairement le remake? Ouais, clairement. Ok. Non, ça m'a fait plaisir de voir que j'étais capable de jouer à un jeu aussi vieux que ça, sorti en 2000, en fait, hein. Sortie française en 2000, de voir que j'étais capable d'y jouer alors que j'avais cet a priori où le rétro gaming, moi, ça m'attire pas beaucoup d'heures à la base parce que c'est dur quoi, ça fait mal aux yeux. Mais là, si, là j'ai accroché. Mais pour autant, tu me mets ça, tu mets RE3 Remake sous les yeux à côté, là, c'est fantastique par rapport à ce qu'on faisait avant. Et j'ai pris Tu beaucoup m'étonnes. plus de plaisir évidemment. Ok. C'est cool. Évidemment, c'est pas évident pour tout le monde, mais moi j'ai pris beaucoup plus de plaisir. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de contenu, c'est riche, ça fait plaisir de revoir à la fois cet ancien univers, mais en même temps remis au goût du jour, de voir comment ils ont badassisé Nemesis, qui était déjà badass, mais quand tu le revois aujourd'hui, il a plus grand-chose de badass, mais comment ils te l'ont rebadassé. Oh là là, mais dans RE3 Remake, mais c'est une claque Nemesis. C'est une claque. Non mais je suis 100% d'accord avec toi. Il y en a beaucoup qui gueulent sur le, enfin qui gueulent, qui sont pas contents parce que tous les créateurs s'amusent à faire des remakes, des reboots. Tout le monde est en train de gueuler comme quoi les gens ne réfléchissent plus et font comment dire, juste remettre au goût du jour ce qui est sorti il y a 15, 20, 30 ans. Mais moi, je suis tellement content de retrouver des vieilles licences remises au goût du jour, mais ça me fait tellement kiffer et Ouais. j'en attends tellement d'autres, quoi. Le FF7 remake, le RE2 ou RE3 remake, mais et même si je suis pas fan des Resident Evil, mais ils sont tellement tellement énormes. Je rêve de voir un FF8, un FF9 un remake, ou même limite un Metal Gear Solid 1 remake. Enfin moi ça me ferait mais tellement kiffer Ah tous ces ouais. trucs-là, ça me Ah mais pareil. Ça me rendrait gueudin. Ou même là, il parle d'un Super Mario 64 remake ou d'un Super Mario Sunshine remake. Ça me ferait mais tellement kiffer tous ces trucs-là. Ça serait ouf, Ah mais en fait. pareil, pareil. Moi c'est Take My Money. Hein. On me remet à Ah, Mario mais ouais, 64, grave. mais direct. Ah j'y vais. De ouf, Comme t'imagines, c'était toi, Take un My Money Super avec Mario Link's Awakening. 64 avec le moteur Si, c'est Galaxy le dernier. Avec le moteur de Galaxy. Non, c'est Odyssey sur Switch. Odyssée, pardon. Mais ouais, c'est ouais. Moi je veux ça. De toute façon direct, on est allé l'acheter Link's Awakening tous les deux là, le remake sur la Bah Switch. oui, On a bah sauté oui, dessus. Comme des mais chacals, carrément. c'était direct take my Mais money quoi. Moi bah oui. je suis grave friand de ça. C'est clair. Parce que franchement, aujourd'hui, je me remets à Mario 64, j'ai mal aux yeux. Franchement. Je suis sûr que je kifferais beaucoup plus si on me met un remake, mais clairement que je kiffe plus quoi. S'il y a un Mais débat là-dessus, moi je suis tranché. Le rétro gaming, ça fait plaisir entre potes, etc. Mais se replonger dedans. À l'ancienne, moi j'ai du mal, franchement j'ai du mal. Je préfère qu'on me le remake pour que je retrouve du plaisir à y jouer, quoi. Ouais, non mais je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, j'adore le rétro gaming. Tu as vu ma petite salle de rétro gaming que je me suis fait tout ça, donc j'adore le rétro gaming. Mais voilà, pareil, je peux pas y passer des heures et des heures, quoi. Au bout d'un moment, soit je me lasse ou soit ça me pique les yeux ou autre. Mais par contre, ouais, tu me remets un. Si demain tu me dis il y a un Super Mario 64 qui ressort avec le moteur de Odyssey ou autre, mais putain, mais de Tu vas ouf. direct. Ah ouais, mais Ouais. j'y cours, quoi. C'est ouf. Ouais, pareil. Bah, moi, j'attends aussi que ça. Je trouve qu'il y a quand même aussi beaucoup de. Ils ressortent les jeux tels quels aussi. Hein. On l'a beaucoup vu, ça. Hein. Euh, des, Ouais. des, des jeux précédents, enfin, tels quels, ou le niveau 0 du remaster, tu vois. Moi, je trouve que le niveau 0 du remaster, si on peut s'accorder sur une définition qui serait que je change la texture et je le mets en 1080p. Et encore, je le mets en 1080p, je change la texture, c'est limite une option. Ça, tu Bah, vois, il faut rien en c'est... fait, il faut, Ouais. il le rend juste compatible avec la machine sur laquelle il le sort, et puis C'est point ça. barre en fait. C'est ça. Ça, c'est le rendu compatible. Alors C'est ça. que... Ah ouais, alors que... Ouais, un minimum de du neuf, mettre du neuf par-dessus. Tu vois, je trouve que moi, par exemple, le HD Remaster de Resident Evil, on en parlait tout à l'heure, je pense que je vais le faire. Là, maintenant que je me suis vu faire du RE3 Nemesis, c'est sûr que je vais le faire et je vais beaucoup plus le kiffer que si j'avais à reprendre RE1 promis du nom avec les graphismes de l'époque où faudrait l'ouvrir en 640 par 480 pour que ça soit pas dégueulasse, quoi. Ah, ça pique. Ouais. Ouais, c'est clair. Ça pique, putain. Mais ouais, non, mais je comprends, je comprends. Et ouais, les remasters ou juste les ressorties comme ça, juste pour se faire de la thune, mais ça fait tellement mal. Ça fait Ouais. tellement mal, putain. C'est Donc après, Ouais. c'est toujours bien pour pour la postérité de pouvoir y jouer sur toutes les machines, de pouvoir te refaire un Resident 1 ou un FF8 ou FF9 sur n'importe quelle machine, limite même sur ton téléphone, je crois que de toute façon c'est sorti partout, jusqu'à sur ton micro-ondes, tu peux jouer à tout le temps. Les Mais par contre, émulateurs, ouais. ouais, un vrai remake, moi je signe, j'ai trop de licences en tête ou je signe direct. Ouais, pareil. Non, ça c'est clair que les remakes, et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Vu le succès des remakes qui Bah sont oui. apparus ces derniers temps, il y en aura sûrement de plus en Bah oui. plus. Donc, franchement, on va Je kiffer. pense que Nintendo en prépare un sacré paquet. Parce que là, ils font les morts depuis quelques longs mois. Depuis trop longtemps pour moi d'ailleurs. Mais je pense qu'ils vont nous sortir des remakes et des reboots de séries. Ça va nous faire mal, je pense. Ça, moi, je suis très friand. Je suis très friand. On peut... Beaucoup de gens qui critiquent, hein, je trouve, ça divise un peu la communauté, là, ces histoires de remake, remaster. Mais Ouais, moi, je, c'est comme franchement, tout. ouais, comme tout, mais peut-être, Ouais, je sais pas, j'ai l'impression t'as que ce des. sujet est quand même pas mal. Mais peut-être que c'est comme Ouais, tout, tu vois. non, mais t'as des pseudo-puristes en fait. Quand je dis comme tout, c'est que t'as des pseudo-puristes qui veulent qu'on ne touche pas aux matériaux de base, que ci, que ça. Mais au final, tant que c'est pas au détriment d'autre chose, toi, les gens sont en train de gueuler. Ouais, non, faut pas qu'ils refassent par exemple un Zelda A Link to the Past avec grosso modo le même moteur graphique que Link's Awakening. Alors que moi, c'est Take my money. Shut up and take my money direct. Mais après, tu vois, si par exemple Nintendo fait ça, ça les empêche pas de sortir un Breath of the Wild 2, quoi. En fait, c'est que l'un ne va pas au détriment de l'autre, en fait. Et je Ouais. pense que tout le monde peut y trouver son compte. Et Et ouais, c'est. est-ce qu'il est temps de parler un peu d'Animal Crossing à un moment donné, de cette émission? Allez, je pense qu'au bout d'1h34, on peut. Bon. Alors, Alors, qu'est-ce que Animal tu dirais à Crossing. un gars qui sait absolument pas ce que c'est que ce jeu, à part qu'il en entend parler partout, que des spécialistes sur BFM TV disent que ça peut rendre accro les jeunes, Putain, j'ai vu ça. Oh là là. à part ça, il sait, tu dirais quoi à un mec qui sait pas grand-chose, qui a rien compris de ce que c'est que ce titre incontournable? Oh putain, alors qu'est-ce que je pourrais dire à un mec qui sait pas ce que c'est? J'essaierai de lui décrire ça comme un mélange de. C'est un peu un mélange entre les Sims et une espèce de. Je sais pas, une espèce de Zelda ou de jeu où tu peux crafter à tout va en fait. D'accord. Donc grosso C'est quoi le modo, but? C'est quoi le but? C'est un jeu où tu as zéro action. Ok. Déjà, tu as zéro action. Tu peux pas mourir, tu peux pas tuer, tu peux pas. Voilà. Le but, c'est. Tu pars de quasi zéro sur une île déserte. Tu pars de from scratch, t'as quasi rien. Et c'est de faire évoluer ton île et d'en faire limite une petite ville. C'est Et Minecraft. donc, au fur. Ouais, je peut-être. Mais j'ai pas assez joué à D'accord. Minecraft pour te dire que après t'as pas trop les t'as pas tr... t'as pas les mêmes éléments en main en fait. Là t'as donc T'es sur une île, on te dit donc t'es sur ton île, tu peux, il y a 2-3 habitants avec toi, tu peux parler à tous les habitants et t'as aussi le entre guillemets le maire de la ville et c'est lui qui te donne des petites missions pour essayer d'évoluer dans le jeu. D'accord. Et donc tu crées, tu craftes tous tes outils. Donc tu vas aller secouer des arbres pour avoir des branches d'arbres, pour faire ton filet à papillon, pour faire ta hache, pour faire ta pelle. Tu vas aller parler au mec, au fur et à mesure tu vas avoir des plans pour construire des haches ou autres comment dire, autres matériels un peu plus qui vont durer un peu plus longtemps. Et au fur et à mesure tu vas faire évoluer ton île, tu auras de plus en plus de plans pour faire des bâtiments qui durent plus longtemps, pour créer des ponts, pour créer un musée, tu vas avoir un musée, tout ce que tu vas pouvoir attraper sur l'île avec ton filet à papillon ou ta canne à pêche, tu vas pouvoir l'amener au musée pour qu'il les expose. Et en fait, tu vas faire grandir ton île et évoluer ton île avec de plus en plus de personnes qui vont arriver, de plus en plus de bâtiments. Enfin voilà, quoi. Tu vas faire grandir ton île. C'est une espèce de SimCity, de D'accord. Sims et de avec un côté craft plutôt cool. Et à l'instar de Breath of the Wild, tous tes équipements ou quasi tous tes équipements se brisent au bout d'un moment. D'accord. C'est pour ça que ça me fait penser un peu à Zelda, c'est que ta hache va durer je sais pas, va durer 40 ou 50 coups en fait. Et au bout de 50 coups, bim, elle va se briser et tu vas devoir crafter avec les petits bouts de bois que tu auras ramassés à gauche à droite. D'accord. Ok, Donc je vois à peu c'est près. pas mal. C'est pas mal. Pour le finir, comme je disais au tout début d'émission, donc il y a 1h30 pour ceux qui sont encore là. Comment dire, pour le finir, il faut vraiment se lever de bonne heure. Mais par contre, c'est pas le jeu sur lequel tu passes, en tout cas pas pour moi. C'est pas le jeu sur lequel tu passes 4, 5, 6 heures par jour, quoi. Tu vas le picorer, tu vas y jouer une demi-heure par jour, trois quarts d'heure par jour, histoire d'aller déterrer quelques fossiles, d'aller pêcher quelques poissons et de faire les quelques missions qu'on te donne, mais tu vas pas pouvoir. Enfin, moi, je me vois pas y jouer, je me vois pas y jouer plusieurs heures par jour, en tout cas. D'accord. Et Donc. quand tu dis on peut le finir du coup, il y a une fin? Alors, de ce que j'ai vu et lu et entendu, tu as une fin. Et en fait, la fin, c'est grosso modo le commencement du jeu. Apparemment, quand tu finis le mode histoire que tu as, tu accèdes à une espèce de New Game Plus où en fait, tu as la force, le pouvoir de terraformation. Et apparemment, tu peux terraformer des îles. Donc tu peux modifier complètement toute la D'accord. topographie de l'île et tout ça. D'accord. Donc ça, je l'ai pas vécu parce que j'y joue pas assez et j'y joue pas suffisamment pour pouvoir le finir à ce point-là. Faut qu'on regarde sur How Long to Beat, c'est le fameux site Bah vas-y, bah tu sais quoi, vas-y, découvert je pendant le vais. confinement, moi, ce site. Il y a un site Putain, pour ceux qui je nous savais même écoutent. pas que ça existait. How Et Long to donc, Beat. Animal je vais Crossing, bah regarder. il est sur la page d'accueil tellement les gens regardent. Completionniste, 177 heures. Mais ça, faut pas regarder Completionniste, ça c'est les gueudins. Main Story, 61 heures. C'est pas mal déjà. Ah, et ensuite, t'as le Main plus Extra, 86 heures. C'est déjà pas mal. Ouais, je suis sur le site là, je regarde en même temps que toi. C'est putain, Tu vas nulle part, Completionist juste il est 160. sur la page d'accueil, à côté de Ah F7 ouais. Remake. C'est ouf. Et rien que le main story 61 heures, c'est déjà pas mal quand même. Ah bah oui, bah carrément. C'est déjà ouf. Non, sincèrement, le jeu déjà est visuellement ce qu'ils ont voulu faire, ils l'ont fait, mais le jeu est très très beau. T'as l'impression qu'il est quasi infini parce que enfin t'arrives à avoir tu peux recréer des villes quasi complètes, enfin des vrais petits villages. Tu pars de rien, hein, t'arrives sur ton île, t'as juste une tente et au fur et à mesure t'as une maison, tu peux créer quasiment tous les objets. Moi, tu rentres chez moi, j'ai une table de mix avec des vinyles et tout ça. Enfin, tu peux tout créer sur ton île avec des petits cailloux et du bois. Enfin, sincèrement, tu crées vraiment des trucs de dingue. Ils ont vraiment bien fait le taf. Par contre, pareil, en tout début d'émission, je parlais que j'avais un coup de gueule Oui, sur le jeu. j'allais te demander. C'est que, ouais, c'est que le jeu, en fait, imaginons, comme moi, je me mets dans mon cas de figure où on est deux à vouloir y jouer au jeu. Donc, une seule console, deux comptes de créer sur la console et une seule cartouche. Et c'est exactement le même cas de figure si tu as plusieurs cartouches. J'ai regardé sur Internet. En fait, tu crées la première personne qui lance le jeu sur la console, peu importe le compte, est considérée comme le main joueur, en fait, le joueur principal. Et en fait, ce joueur-là crée son île, choisit parmi quatre îles différentes, nomme l'île et devient l'acteur principal du jeu. Et en fait, tous ceux qui vont vouloir jouer au même jeu ne pourront pas repartir de zéro, seront obligés d'aller sur l'île principale et ne pourront pas évoluer tant que le joueur principal n'évoluera pas. Je m'explique un petit peu plus. C'est que, par exemple, au tout début où j'ai commencé à jouer, donc j'étais sur la même île que ma fille, j'avais pas le choix. Il n'y a pas plusieurs îles sur une même console. Et elle n'a pas voulu jouer pendant à peu près, je sais pas, une bonne semaine, elle est entre 7 et 10 jours, elle n'a pas voulu jouer, elle a fait la tronche parce qu'on était sur la même île, patati patata. Et tant qu'elle n'avançait pas, le maire de la ville n'a pas voulu me donner, moi, les instructions pour évoluer. Et en fait, j'ai pas changé de stade sur l'île pendant plus d'une semaine. Elle a pris la console en main et le maire de la ville lui a dit, ok, d'accord, donc pour construire des ponts, il faut faire ci, pour faire évoluer ton île, il faut faire ça. Et en fait, comme c'était celle qui est arrivée en premier, c'est à elle qu'on a donné entre guillemets, tous les pouvoirs sur cette île. Et en fait, tu peux pas avoir deux vraies parties sur une même console. Putain, ça m'a l'air bien pas 2020, ça, hein. C'est très, très, très rétrograde. Bah, Nintendo, voilà, Ah oui, c'est c'est du vrai que Nintendo les tout codes amis, craché. quoi. Les codes C'est amis. ça, les codes amis, les fameux codes amis. Donc, je trouve ça un peu bof. Donc, ça a fait rager Ambre. Et moi aussi parce qu'au final je peux pas évoluer sur l'île comme je voudrais le faire en fait. Et Tant impossible que ouais, t'es synchronisé d'avoir sur une île le même pas. joueur, ouais, ok. Exactement. Impossible d'avoir deux îles distinctes sur une même console. Même si t'as deux cartouches. Déjà, c'est un scandale de faire acheter deux cartouches, mais quand même, quoi. Même si tu as deux cartouches, j'imagine même si tu mets deux cartes même, enfin Ouais. deux SD différentes, enfin voilà. Par contre, ouais, après tout ce qui est fait sur l'île principale, imaginons que je construise un truc, je le pose, je sauvegarde et on me prend la console tout de suite derrière. On a l'impression que c'est limite systémique, quoi. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai touché, bougé de quelques millimètres, ça a bougé sur sa partie aussi. Ok, Donc je comprends le coup de gueule, ouais. c'est pas top. C'est pas top. Après, je m'étais pas renseigné avant. Si je l'avais su, j'aurais peut-être voilà. Mais c'est pas terrible. D'accord. Ok, bah je crois que je vois enfin je vois à quel point ça, enfin c'est en décalage parce que, enfin quand tu vois tous ces jeux Nintendo là, les licences que je compte même plus. Où tu t'as joueur 1, partie 1, partie 2, partie 3, et tu peux démarrer des parties complètement indépendamment les unes des autres avec la même cartouche. On peut parler de Donkey Kong, Pokémon, Mario, enfin n'importe quelle licence Nintendo, j'ai l'impression que j'ai en tête, Zelda évidemment, où tu crées tes parties et t'as au moins 3 profils. C'est ça. Et alors que là en fait non. Là en fait tu as un compte, enfin tu as une île, sauf si j'ai mal compris, hein, mais tu as une île liée à ta console et point barre. Après, tu peux créer plein de personnages qui vont habiter sur l'île, qui vont évoluer sur l'île, mais tu as une seule île par console et tu as un seul main character, grosso modo, sur cette île. Ok, bah d'accord, je comprends le coup de gueule du coup, ouais. D'accord. Ouais, Et Nintendo c'était a pas été top. contacté pour ce genre de choses ou pas vraiment? Oh oui. Et puis bah, ils s'en battent les roustons. Pour eux, c'est comme ça et c'est pas C'était le autrement, design, quoi. quoi. C'est comme ça. Ok. C'est ça. C'est ça. Et ça les a pas empêchés de vendre. Je crois qu'on est à 13 ou 14 millions Ah ouais, j'ai d'exemplaires les entendu 6 dire premières qu'il semaines. explose complètement tout, ouais. Bah, il défonce tout. Sur les 6 premières semaines, il a déjà dépassé tous les autres Animal Crossing. Et j'ai entendu dire tous les jeux de la Switch également. Non, pas tous. Non, pas tous. Alors, peut-être sur la fenêtre de lancement. La fenêtre de lancement, pardon, tout pour être Ouais, précis, ouais. tout à fait. Ouais, peut-être sur la fenêtre de lancement, mais sinon, non, je crois que dans les premiers, depuis la sortie, je crois que dans le top 3, il doit y avoir, je crois que c'est Mario Kart le premier, il doit y avoir du Mario Kart, du Pokémon, et le troisième, je sais plus qui. Ouais, Après, je c'est sais d'être qu'il sur y la a. fenêtre de lancement que j'ai entendu. Ouais. Ouais. Mais il explose tout. Et en plus de ça, je pense qu'il a pas mal profité du confinement. Ah bah Et clairement, clairement. C'est un jeu où tu chill, tu te poses avec ta console n'importe où dans le canap ou je sais pas où et tu fais avancer ta petite ville. Je comprends bien. c'est ça, c'est ça. Et en plus de ça, comme je dis, ça, enfin, pour moi, c'est un jeu limite interminable, quoi. C'est Ouais. parce que tu joues une demi-heure, 3 quarts d'heure par jour. Après, t'as vite fait le tour si tu joues plus, mais une demi-heure, 3 quarts d'heure par jour et t'arrives à prendre ton pied, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Donc non, Ok, non, vraiment une bonne. Pour moi, c'est le tout premier Animal Crossing auquel je joue. bah. Je vais pas compter celui sur téléphone mobile parce que je crois que j'ai dû y jouer à peu près 10 minutes et ensuite je les Tu désinstalle t'es saoulé? direct. Je les Ouais. rage quit. D'accord. Donc, mais non, franchement, ils ont hormis ce gros coup de gueule sur une île, une console, ils ont fait du bon taf. Le jeu est vraiment top. Visuellement, c'est joli. Les sons sont top. La musique est cool. Enfin, franchement, non, ils ont fait vraiment du taf ultra propre. Ok, bah écoute, moi je ne ça ne m'a pas forcément incroyablement hypé, mais pour autant, il faudrait que j'essaye pour la science quand même. Comme beaucoup de. On parlait un peu plus tôt de pourquoi se forcer à jouer à un jeu vidéo, mais parfois je pense quand on se dit gamer, il y a des trucs qu'il faut quand même essayer. Voilà, c'est ça, Histoire ouais, non, d'avoir un mais avis, il quoi. faut tester. Ouais. Il faut tester. Parfois, t'arrives sur des trucs où tu te dis, ouais, je vais pas aimer, vas-y, je teste. Et puis, tu te retrouves complètement hypé par le truc et tu peux plus lâcher la manette. Totalement. Je l'ai vécu, moi, avec Céleste, il n'y a pas si longtemps, où je m'étais dit, allez, c'est encore un pseudo-jeu indé en pixel art, comme il y en a partout, il en sort 15 par jour. Et au final, le jeu, il m'a bluffé. L'histoire, elle était ouf. Visuellement, c'était dingue. Les musiques étaient complètement folles. Ouais, c'était l'espérance, ouais. Ah ouais, c'était complètement dingue. Ou comme je l'ai vécu aussi il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait What Remains of Edith Finch sur Xbox One. Et pareil, pour moi, c'était encore un énième Walking Simulator où tu faisais pas grand-chose. Et puis au final. Certes, tu fais pas grand-chose, le jeu je l'ai bouclé en moins de 2 heures, mais l'histoire elle m'a complètement hypé, quoi. Alors que j'en attendais vraiment rien. C'était un vendredi soir où j'avais rien à faire et j'ai lancé le truc histoire de me dire vas-y, tout le monde en parle, ça se trouve, faut pas que je crève con. Et puis au final, le jeu je l'ai fini dans la foulée, quoi. Ok. Je savais pas que tout le monde en Donc parlait, puisque je l'ai dans ma bibliothèque Epic Game Store, il était gratos. Eh ben écoute, bah c'est il y a zéro gameplay hein, dans le jeu. Enfin, D'accord. clairement, tu peux pas faire moins de gameplay que ce jeu-là. Mais si t'as 2 heures un jour, tu mets ton casque sur les oreilles, t'éteins ton téléphone, t'éteins tout et tu te plonges à 100% dedans. Et il est vraiment. Enfin, moi, il m'a hypé. C'était 2 heures, 2 heures et demie, et le truc il m'a laissé sur le cul et j'ai passé 2 heures mémorables. Ok, bah, là, ça me sans en avoir parlé à ce qu'il y a dedans, ça me chauffe. Surtout que je pense que ce Ouais. qui me chauffe aussi assez, c'est que ça, le fait de se dire que ça dure 2 heures, Je pense que ça aide aussi à essayer de se dire, je ferais bien une expérience qui va me plaire et qui va me marquer pour un coup de 2 heures. Ce qui fait aussi, bien qu'on sorte bientôt là, du confinement, il y a quand même toujours ce truc, moi je l'ai toujours eu pendant le confinement, de se dire, je ferais bien ça, mais ça coûte cher en nombre d'heures. Et tu as toujours cette appréhension-là, je trouve, que tu pourrais ne pas avoir, par exemple, avec un Animal Crossing, si tu admets que voilà, que tu joues sans pression, en gros, que tu n'auras pas à investir un nombre d'heures incroyable, tu mettras des heures à droite à gauche, ou des minutes, C'est des ça. sessions à droite à gauche. C'est un peu, enfin, après, on est presque en train de parler de la manière dont on consomme les AAA ou qu'on consomme plus les AAA en 2020, quoi. C'est un peu ça. Est-ce qu'on se lance dans un truc Il y a un bon énorme? débat là. Ou ouais, c'est ça. La crainte de se lancer dans un truc énorme et de se dire, est-ce que j'ai assez de temps libre devant moi pour pouvoir me le faire? Ouais. Mais je comprends, enfin moi ça m'arrive souvent de pas me lancer dans un jeu ou de même pas m'acheter du tout le jeu alors que le jeu me hype parce que je me dis que ça va me prendre trop de temps. Au hasard, Death Stranding ou pas? Ah putain, Death Stranding, mais complètement. Ouais, grave. Et je lorgne dessus depuis limite sa sortie Ouais. où je me dis putain, mais cette simulation du TMB elle me botte quoi. Oui, mais le Cette nombre d'heures simulation qu'il du faut TMB, investir là-dedans, ça fait peur. c'est ça. C'est Comme Days Gone, franchement, tu vois. Moi, je me suis fait carotte. celui-là aussi, tu l'as commencé pendant le confinement. Et oui, il est platiné pendant le confinement, le début de confinement. Putain, Alors que pour le platiner, platiné. celui-là, faut y aller. Hein. Je crois combien il fait sur How Long to Beat, on va voir. Attends, Alors il je suis fait encore sur le site. 38 heures la main story, mec. J'ai dû passer 38 au heures. moins 38 heures si je suis un average gamer. Tu vois, j'ai passé 38 heures à jouer. Le ouf. Ah non, bah non, c'est complétionniste pour le platiner. Enfin, je sais pas en fait. Du coup, 62 heures. Je pense pas que j'ai passé autant de temps, mais peut-être. Ouais, ça passe vite, hein. 62 heures, mais quand même, là, ça devient chaud. Le nombre de fois où je me suis connecté sur PS4 et où je t'ai vu sur Death Gone. Alors ça, mais oui, mais c'est parce que il s'avère que je suis pas très bon en économie d'électricité, bien souvent. Et quand il m'arrive souvent de jouer le matin avant de taffer. Et quand je taffe, eh ben, j'éteins pas la console pour pouvoir reprendre à midi. Et c'est très con parce que je perds de C'est pas terrible, l'électricité terrible, pour hein. rien. Voilà, c'est ça, je devrais la foutre en veille. Mais quand le syndrome qui y a derrière, qui parlera peut-être aux gamers et qui est très bête, hein, parce qu'il ne faut pas faire ça, c'est bête et pour sa facture d'électricité, et pour l'écologie, et pour la planète, et on trouvera un milliard de raisons d'expliquer que c'est de la merde. Mais je vais dire le pourquoi du comment. C'est que quand tu veux gratter de jouer jusqu'à la dernière seconde avant de commencer le taf, et que tu peux pas sauvegarder, tu dis bon, c'est pas grave, je fais pause. Et c'est ça le problème. Enfin, ça a été ça qui a fait que je l'ai souvent laissé allumer. Ok. Tu voulais pas arrêter. Enfin, moi, ça m'est souvent arrivé de pas vouloir arrêter à la console à ce moment-là pour reprendre dedans. Et voilà. C'est ça qui fait que bien souvent, je l'ai laissé. J'ai dû le laisser tourner un nombre d'heures. Et ça m'arrive aussi sur Steam, ça. Et c'est de la merde. C'est-à-dire que Steam, tu vois, il considère que je passe des heures. Parce que lui, tant que l'exécutable du jeu il est lancé, il te dit que tu as joué un certain nombre d'heures à un jeu. Sauf que moi, il m'arrive souvent de mettre un jeu, ensuite je fais un alt-tab et je me mets à parler sur WhatsApp. Ensuite, Et donc ça après, je vais faire continue. autre chose. Le jeu, il est derrière. Mais du coup, sur PC, c'est plus ou moins optimisé. Parce que de temps en temps, sur PC, quand c'est en arrière-plan, ça arrête complètement de consommer de la ressource en fonction de comment le jeu est codé. Et OK. ça, c'est du coup, ça c'est intéressant. Mais si c'est un jeu, et c'est pas tous les si c'est un jeu qui est codé, je sais pas, mal optimisé, disons, quand il est en alt-tab, il continue de consommer pareil. Il demande à ta carte graphique, à ton alim, à toute la famille de continuer à taffer, ce qui n'a aucun sens, mais c'est foutu comme ça, quoi. Et enfin, peu importe. Et dans tous les cas, Steam, lui, dès que l'exé est lancé, il considère que tu es en train de jouer. Du coup, les playtime que j'ai sur Steam, sur certains jeux, ils sont affolants. Ils sont biaisés, les Ils trucs. sont C'est complètement biaisés, biaisé. ouais. Sur Play, c'est vrai. Hein. Comme j'ai dit, je les laisse allumer comme un con et c'est pas malin du tout. Mais sur Steam, vu que le PC, je fais autre chose avec en même temps, C'est pas spécialement du gâchis, et pour autant j'ai des nombres d'heures de jeu. Et Steam considère aussi et dit à mes potes que je suis en train de jouer. Ce qui d'ailleurs peut être chaud parce que si tu es au taf par exemple, et que, enfin, je sais pas, disons que tu as des potes au taf, etc., et que je sais pas, tu as foutu un jeu en arrière-plan et que tu es en train de taffer, et en fait, enfin, Steam peut indiquer que tu es en train de jouer pendant des heures de travail. Après, ça se trouve, c'est vrai, il y en a, ils jouent vraiment, mais tu C'est peux, sûr, c'est mais sûr. c'est sûr, mais il peut aussi très bien, Steam peut très bien indiquer que tu es en train de jouer si tu as un jeu en arrière-plan, ce qui d'ailleurs Ok. est quand même un truc un peu chaud, et du coup je me suis dit qu'il fallait y faire gaffe à ce genre de choses, parce que pas laisser un jeu en arrière-plan si tu es dans des heures de taf, notamment tu as des gens dans le milieu scolaire, dans le milieu des universités, qui taffent avec Discord aussi beaucoup. Je sais pas si t'as. Et comme Discord relève quel jeu est lancé sur ta machine et l'indique, tu vois, c'est pareil. Voilà, on est en train de basculer. Enfin, je suis en train de basculer, digresser rapidement sur un sujet un peu de privacy, de ce que tu es en train de faire avec ta machine. Mais ça peut très bien, ces systèmes qui indiquent aux autres ce que tu es en train de faire, ça peut go wrong, hein, je pense. T'as ma Si je Play 4 où il y a Days Gone qui est allumée en plein milieu d'une journée de travail, ça peut grave go wrong, je pense. Je pense que je pense que tu as moyen maintenant, avec tous les systèmes qui te fliquent à gauche à droite, je pense que tu as moyen de te faire éclater sur trop de sujets, quoi, en fait, sur trop de ton jeu qui est lancé en arrière-plan, ou le moindre truc que tu peux dire sur enfin, si tu te connectes sur tel ou tel réseau ou tel machin, enfin, tu peux te faire avoir alors que tu as quasi rien fait, quoi. Il suffit que tu oublies de fermer un jeu en arrière-plan, ou que t'es ou que tu te connectes sans faire exprès sur un réseau machin. Enfin, tu peux te faire avoir facilement sur trop de trucs. Ouais, Après, c'est. c'est savoir, enfin, soit t'as peur et tu fais plus rien. Je sais Ouais, ou pas, soit t'as quelques précautions à prendre, quoi. ouais, ou soit tu prends des précautions. Enfin, moi je te dis ça, c'est la même. Enfin, le nombre de personnes qui se connectent à tout et n'importe quoi sur leur PC, du boulot, Ils ont 36 et qui comptes oublient de se. ouverts, et que si tu marques WhatsApp sur leur PC, tu trouves leur conversation perso. Voilà, je n'irai pas plus loin parce qu'on ne sait jamais qui écoute ce podcast, mais voilà quoi, je suis déjà tombé sur des choses privées sur des ordinateurs du boulot. Tu te dis, mais mec, en fait, enfin, tu fais n'importe quoi là. On a pas. Moi, ça me choque pas que nos congénères sont pas équipés pour faire gaffe à ce genre de choses. Quand tu vois à quel point le commun des mortels peut être grave paumé en informatique, mais genre, enfin, tu le sais autant que moi, enfin, vu qu'on est tous les deux un petit peu plus avancés que la moyenne des gens sur le sujet, on a vécu des trucs, mais on voit bien que le Ah non, mais commun des c'est. mortels, il est paumé fois mille. Mais de ouf, de ouf. Non, mais attends, quand tu vois que. Enfin, moi j'ai vécu, hein, sur un PC professionnel, la personne télécharge l'applicatif WhatsApp, se connecte, quitte le boulot, oublie de supprimer sa session. Et se permet de continuer à chatter sans changer son mot de passe, sans rien, à envoyer des nudes à ses contacts et tout ça. Tout ça sur le PC, enfin, visible sur le PC du boulot, vu qu'elle s'est pas déconnectée. Bordel. Putain, Tu mais te dis. ça doit donner tellement lieu à des situations, ça. Oh, Mais. je te raconterai, c'est pas le lieu du. Enfin, voilà, j'ai pas tout spoilé sur le podcast, mais c'est complètement dingue. Les gens font n'importe quoi. Oh là là. D'un Et coup. après, c'est les premiers à faire tourner des pétitions sur Twitter ou WhatsApp ou sur Facebook. Faites attention, l'État nous flic, ou faut faire ci, ou faut faire ça. Ouais, Enfin, c'est mais. ça. Putain. Ou faire tourner des petites vidéos de comment faire pour que Facebook n'ait pas accès aux cookies de mon smartphone. Oh là là là là. Ouais, Putain, pétard. ou alors à faire tourner une chaîne, si tu envoies ce message à 10 personnes, Facebook ne deviendra pas payant pour toi. Enfin non, Oh my god. mais Ouais. rentre chez ta mère, quoi. Putain, mais c'est complètement ouf. C'est carrément chaud, ça, ouais. C'est complètement ouf. Je vois qu'on glisse doucement vers les 2 heures d'émission. C'est Bah ouais, plutôt pas mal. est-ce qu'on se dirait pas qu'on qu'on se termine sur le jeu qui nous a marqué pendant le confinement et le jeu auquel on joue en ce moment, ou est-ce que tu vois une autre fin? Non, mais c'est très bien. Je voyais une autre fin, mais ta fin est très très bien. Donc, On peut faire une double fin si c'est pas trop long. Banco, non, ça va être trop long. S'il y a moyen de refaire une émission d'ici peu, je me garderai ma fin pour la prochaine émission. Qui serait quoi, histoire de teaser un peu? Ah, je pensais à nos remakes de rêve en fait. Oh putain, mais c'est une émission à part entière, ça. Faut le mettre dans, Je faut le mettre dans une thématique. pense qu'il y a moyen. Ouais. Je Ah oui, pense non, qu'il y a ça moyen. va être Donc long. Ça, on se c'est garde ça long, ça. Faut pas le faire pour la prochaine en fois. étant en fin de course. Comment? Faut pas le faire en étant en fin de course. Faut le faire en étant Non, non, frais, non, tu non, vois. non. On se gardera ça, je pense, pour la prochaine émission et je pense qu'il y a moyen de durer pas mal de temps. C'est clair. Donc vas-y, bah, je te laisse commencer. Le jeu qui t'a marqué pendant ce confinement. Eh ben, alors, je vais mettre Days Gone et je vais mettre un jeu dont j'ai pas parlé, mais que j'ai découvert et fini pendant le confinement, qui s'appelle Steam World Heist sur Switch, qui m'a dû me coûter deux Lagunistas, je crois, un truc comme ça. Ah, Et c'est un truc où tu creuses là, non? C'est un truc en 2D, non? c'est un truc en 2D, mais tu creuses pas. C'est un truc en 2D, c'est un jeu de stratégie au tour par tour. Où en fait bah, tu as toute un équipage de personnages qui en gros sont des pirates de l'espace en quelque sorte, et tu débarques dans enfin tu fais des missions, et dans les missions tes personnages ont des capacités qui leur sont propres chacun. Ils débarquent entre 1 et 4 sur une carte. C'est en 2D, c'est du tour par tour, et chaque personnage effectue son action avant de laisser l'ennemi jouer à son tour. Enfin, c'est un jeu en tour par tour classique, hein. Un peu comme Mario et les Lapins Crétins sur Switch pour ceux qui l'ont fait. C'est le même principe. Donc Ok. c'est celui-là et Days Gone. Days Gone étant, je m'attendais pas du tout à vouloir le finir et le platiner. Et au final, je me suis pris dans l'engrenage et j'ai kiffé l'univers de ce jeu. Vraiment, j'ai vraiment kiffé l'univers, l'histoire. Enfin, j'ai vraiment kiffé le personnage principal, son histoire. C'est pas, il y a rien d'incroyable vraiment dans ce jeu. Mais il y a tout qui m'a attaché. Le gameplay est bon, les quêtes annexes sont bonnes, c'est hyper varié, on s'ennuie pas, quoi. Après, je me suis jamais ennuyé, j'ai toujours eu envie d'y revenir. Voilà, jusqu'à ce que Bah, je veuille bien le platiner. Et j'ai hâte de m'y remettre. ouais, et pour ça, il faut qu'on se revoie. Pas faux. Pour que je te rende ton disque. Voilà, donc ça c'est je dirais les deux. Enfin, le pro Days Gone, bon, c'est un gros titre, hein, donc voilà. Et l'autre, pour beaucoup plus petit titre, que j'ai découvert vraiment sans. C'était un Deal Labs, encore une fois, de Lagunista. Je me suis dit, allez, let's go. Les gens font des bons retours. Et je me suis retrouvé à. J'y ai probablement mis 20 heures pour le terminer. Enfin, je le termine, j'ai recommencé un peu en niveau de difficulté un peu plus élevé. Et ouais, j'ai bien kiffé, pris plus de temps que je pensais dessus. Cool. Et le jeu auquel tu joues en ce moment? Bah là, je continue de faire de la VR. Je fais du Beat Saber où je m'améliore et c'est satisfaisant. Et je continue ma petite quête des Resident Evil parce que je suis là actuellement sur le Révélation 1 que je n'avais jamais fait, qui est vraiment, enfin qui date, hein, puisqu'il date de 2013 déjà, et on sent qu'il a bien pris un coup dans la gueule quand même. Hein. Je le fais sur PC. On peut strafe étant le fait de faire du déplacement latéral gauche ou droite, Ok. Ce qui peut important, être hein. pas mal pour éviter les zombies. Moderne. Non, le strafe, putain, on l'a sur RE4, j'insiste là-dessus, parce que sur RE4, il n'y a pas de strafe. On se déplace soit devant, soit derrière, soit on avance, soit on recule. Ou alors on pivote pour pouvoir avancer et reculer. Donc dans RE4, je veux aller à droite, je pivote sur la droite et j'appuie sur avant. Alors que dans tout jeu moderne, tu veux aller à droite, tu strafes à droite en continuant de regarder tout droit. Enfin, je veux Bien dire, sûr, oh non mais ouais, c'est. ce qui est logique pour nous quoi. Oui, Enfin, ce qui est voilà, logique pour les joueurs actuels. c'est ça. Donc dans Revelations, il y a quand même, de 2013, il y a quand même le strafe, ce qui n'était pas le cas dans RE4. Et il est quand même bien vieux, Revelations. Tu sens que le gameplay, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, je découvre un gameplay bien limité. Il n'y a pas grand-chose, mais ça fait plaisir de temps en temps, ça fait du bien, tu sais. Il n'y a pas grand-chose, tu vois, le jeu, il essaye pas de t'en mettre dans tous les sens, de se compliquer la vie, là, il essaye rien. Il essaye, il te met trois, on va dire, patterns de gameplay et tu tournes dessus, quoi. C'est pas plus mal. Excellent. Ouais, non, mais c'est ça. Parfois, ça suffit, hein. Ouais. Bah, je me fais ça, je me fais Revelations et je me ferai, je vais continuer d'en balancer avec, comme je te disais, hors podcast, je vais sûrement me refaire RE0, enfin me faire tout court RE0 derrière. Cool. Donc du vieux, j'ai pas prévu de faire du Ah ouais, récent. mais mortel. Your turn. Mortel, mortel. Moi, sans surprise, jeu du confinement, enfin sans surprise, Oui, bah tu FF7 l'as Remake. partagé, ouais. Ça, voilà, la claque que j'attendais depuis mes 14 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je m'étais pris un aller-retour avec le FF7 de base quand j'étais plus jeune, et donc là, celui-ci, il m'a retourné. Je spoil pas plus, je dis rien de plus, j'ai juste hâte que tu le fasses pour qu'on puisse en parler. Enfin, vraiment, vraiment, il m'a bluffé autant par sa technique que par sa DA, que par les musiques, que par l'histoire, enfin tout. Tu penses connaître une histoire sur le bout des doigts et en fait tu te rends compte qu'ils l'ont magnifié. Enfin, Ouais. c'est Ah mais oui. vraiment vraiment excellent. J'en place une en mode rappeur, j'en place une pour Céleste OK. aussi qui m'a vraiment retourné. Je pensais pas pour un platformer 2D en pixel art, enfin, il y en a tellement, tu te dis que c'est juste un jeu de plus et non, en fait, ils ont réussi à faire un truc complètement dingue avec. Donc vraiment, Un petit coup de cœur, un Céleste coup de aussi cœur pour m'a. toi, Céleste. Ouais. Un bon coup de cœur, ouais. Franchement. Vraiment, vraiment cool. Et le jeu auquel je joue en ce moment, je vais pas parler d'Animal Crossing parce que j'y joue un petit peu tout le temps, donc je vais pas en parler. C'est difficile parce que un peu comme, je sais pas si tu as vécu le même truc. Une fois que j'ai fini Breath of the Wild, une fois que j'avais vraiment fait tous les sanctuaires et tout ça, même sans battre Ganon, hein, mais une fois que t'as grosso modo fait le tour de Breath of the Wild, c'est un peu comme quand t'as fini une série de 10 ou 15 saisons, t'as une espèce Le vide. de petit goût de vide en fait. Et même si tu sais qu'il y a plein de trucs super cool autour, t'as du mal à te remettre à quelque chose. Mais en fait, j'ai vécu un peu ce truc-là avec FF7 Remake en fait. Donc là, t'es dans le No Man's Land, là. Ouais. Là, j'essaye de. Tu vois, bah, comme j'ai dit, j'ai essayé de me remettre sur Kingdom Hearts la semaine dernière. En vain, j'ai réinstallé FF15 pour essayer de pallier à ça. Je me suis dit que j'allais recommencer FF15. J'arrive pas à me remettre dedans. J'ai repris ma sauvegarde de FF10 sur Switch. J'arrive pas à me remettre dedans. Ouais, j'ai une espèce de vide en fait où j'arrive pas à trouver. Ouais, d'accord, je vois. Tu t'essayes de te raccrocher à un truc et relancer le plaisir, Mais mais il n'y non, a là il pas y a rien. encore. Ok, c'est pas encore revenu, quoi. Ok. Là, il n'y a clairement rien, donc j'essaye de remettre plein de cartouches dans la Switch pour essayer de retrouver un truc qui me plaît et j'arrive pas. J'essaye de réinstaller plein de jeux sur la Play pour essayer de retrouver un petit truc cool, mais non, pour l'instant, j'y arrive pas, donc je pourrais même pas dire un jeu du moment. Ok. Pour l'instant, j'ai rien. Je suis un petit peu en vide, en bad post FF7. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. Donc voilà, donc là je guette, je scrute toutes les annonces qu'il peut y avoir sur les prochains jeux en me disant vas-y, bah, faut que j'arrive C'est à ouf. jeter mon dévolu sur un truc qui va arriver parce que T'as ce je vais pas rester paradoxe, en quoi. bad. Je sais pas si tu te rends compte le paradoxe dont on est en train de parler, c'est-à-dire qu'on se dit tout au début de cette émission, qu'on a des jeux sur étagère à plus savoir quoi en faire. Et là, on C'est ça. conclut cette émission en se disant, bah en fait, il n'y a rien qui me botte. C'est vraiment Bah... c'est assez ouf, je trouve. Et c'est une réalité chez les Ouais. gamers, hein. C'est Mais c'est vraiment ça, ouais. une Bah ouais. réalité Mais... qui n'est pas que propre à toi, pas propre à moi. Je pense que vraiment chaque gamer a rencontré ça dans sa vie. Se retrouver avec des titres qu'il aurait bien aimé, mais qui au final, force est de constater qu'il ne les a pas finis parce que X ou Y raison. Et se retrouve avec tous ces titres à les regarder et à pas savoir lequel mettre, quoi. Et à pas avoir envie C'est ça. d'en mettre un, surtout. C'est ça. Puis après, ouais, bah, je pense que tout le monde a vécu ça avec une œuvre. Que ce soit de la musique, que ce soit du cinéma, de la série ou du jeu vidéo. C'est que y a des œuvres qui te. Quand tu les as finies, ça elles te laisse un goût en bouche où tu te dis c'était mortel et tu essaies de la digérer et t'arrives pas à te mettre sur autre chose, quoi. Et moi, là, ouais, ça me l'a fait à la fin de Breath of the Wild et là, ça me le fait à la fin de FF7, quoi. Breath of the Wild, j'ai même cru que j'allais plus jamais aimer les jeux vidéo, en fait. Ah ouais, quand même, d'accord. À Ouais, la fin de c'était. Breath of the Wild, je me suis dit, en fait, j'ai touché un truc tellement parfait, tellement pur, que est-ce que je pourrais trouver quelque chose d'aussi parfait par la suite? Et j'ai mis. Ouais, j'ai dû mettre, je sais pas, 2-3 mois avant de me retrouver. Un jeu auquel jouer, quoi. Ok, je comprends. C'était ouais. Bon, on va pas repartir sur un autre sujet, mais c'était voilà. Donc depuis la fin d'FF7 Remake, ouais, j'ai du mal à me retrouver en phase avec un jeu, en fait. D'accord. Ok, bon bah, on ne pourra pas être inspiré par ton titre actuel, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de pointer, pour terminer l'émission, du coup, pointer ce phénomène qui existe chez les gamers, qui peut être le blues, on va dire, post-grosse expérience vidéoludique. C'est ça, j'ai le postpartum vidéoludique. Voilà. Bon. Bon, après, ça tombe pas trop mal parce que, a priori, la vie sociale va pouvoir reprendre avec modération dans pas très longtemps. Du coup, bah, c'est une bonne chose parce que on va pouvoir aussi renouveler le plaisir à plusieurs. Et voilà, ça sera une autre forme aussi. Alors, pas que du jeu, évidemment, ce sera aussi d'autres formes de soirée et de distraction. Mais enfin, dans le cas où il y a du jeu, être plusieurs dans la même pièce. C'est aussi un bon moyen de relancer le kiff, je crois. C'est ça. Ouais, hâte, comme tout le monde, hein, hâte de retrouver ses amis IRL et de pouvoir faire que ce soit du jeu ou autre, mais voilà, d'être tous ensemble et de pouvoir relancer un peu tout ça. Bah ouais, c'est un beau mot de la fin, je pense. Et un beau retour que cette émission. Pour relancer le podcast, enfin c'est relancer. Je sais pas si je peux oser le mot relancer, tu vois. Enfin pour remettre un épisode, on peut dire ça. Parce que... Et ce podcast, c'est un remaster, un remake, un reboot? C'est... Ah ouais, Au bout d'un c'est... an, qu'est-ce qu'on peut dire? Putain, je crois que c'est pas un remaster. Bah non, c'est vu Non. que c'est quand même un contenu exclusif. Enfin non, mais C'est du coup, vrai. c'est un contenu purement exclusif, il ne reprend pas le passé. Donc, Enfin, c'est juste une suite en fait, toute bête, tu vois. juste une suite. Ouais. C'est On a attendu bien longtemps, mais c'est juste une suite. juste une suite, tout simplement. Bon. On vous embrasse tous. On fait des bisous et puis on On fait essaye de des sortir bisous. ça dans pas 10 000 ans, mais ça ne tient qu'à notre volonté, a priori. Ça va le faire. Je suis sûr que, en plus, on a 3 jours là. Je suis sûr que ça va sortir incessamment sous peu. Oh, Bah. exclu. Avec un auditoire qui attend de pied ferme comme ça, c'est sûr qu'on ne peut pas les décevoir. Obligé. Bon, moi je te fais des bisous et je fais des bisous à tous nos poditeurs. Ça marche. Allez, bisous à tous. À la prochaine. Ciao, ciao, Ciao. à bientôt.